Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 5. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, @protonmail.com. Je vous invite à nous soutenir financièrement, à soutenir l'émission, en nous faisant des donations Bitcoin, Ethereum et Monero via le site internet. Le processus est expliqué assez clairement sur le premier onglet en haut à droite du site. Alors c'est un peu technique pour certains, moi en tout cas c'est l'a priori qu'on a. Je vous rassure, ça n'est pas le cas et c'est toujours utile de maîtriser ce type de paiement puisque comme vous le savez, et ça va être de plus en plus vrai, les médias alternatifs qui gênent le pouvoir en place pourront de moins en moins en fait se financer par les plateformes existantes de type PayPal et autres. Donc c'est quand même utile de pouvoir disposer de tels moyens de paiement. Donc je vous invite quand même à vous familiariser parce que progressivement ça va devenir la règle, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je vous invite aussi à diffuser chaque lundi notre PDF, dimanche ou lundi, hebdomadaire, qui reprend en fait les principaux articles de la semaine, enfin tous en fait, mais bon, ils sont d'inégale valeur si vous voulez, mais bon, ça reprend tout le contenu, comme ça, ça peut être consulté. Je vous invite vraiment à les archiver et à les diffuser. N'hésitez pas à faire des mailing lists, à utiliser votre email pour le diffuser de la même façon pour le podcast. J'y reviens chaque semaine, mais bon, c'est quand même utile. La censure continue régulièrement contre nous. Outre la censure que vous connaissez habituellement, c'est-à-dire le procès ou l'intervention des fournisseurs d'accès sur ordre du gouvernement juif. Mais nous avons aussi, par exemple, un site comme archive.org sur lequel on met des vidéos, etc. Bon, là, on s'est fait virer, par exemple. Bon, il y a toute une série de services comme ça qui nous ferment. Bon, on a toujours des alternatives, hein. c'est pas un drame en soi. Mais je veux dire, vraiment, là, ce site et cette émission doivent disparaître à tout prix. Ils n'y arrivent pas, mais ils mettent un maximum de pression, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, vraiment. Hein. N'hésitez pas. C'est toujours apprécié et appréciable. Je vais présenter maintenant nos intervenantes de la semaine. Notre équipe est presque au complet. Je vais commencer avec Fulbert de sa chère Belgique qui nous fait le plaisir d'être là comme chaque semaine. Salut Fulb. Bonsoir Gandalf et bonsoir à tous. J'ai également le plaisir d'avoir Poporovic avec nous cette semaine. Salut Poro. Bonjour à tous. Dis-moi, ça va très bien. Je vais même dire tranquille. Et toi, Gandalf, tranquille ou pas ? Oh, tranquille, très tranquille, très tranquille. Alexis est aussi avec nous cette semaine. Salut, Alex. Salut, Gandalf, et puis salut à tout le monde. J'ai le plaisir d'avoir Captain America aujourd'hui avec nous. Salut, Captain. Shalom alaikum, bienvenue en Europe, bienvenue chez les nègres. Ah bon, oui, la géographie varie visiblement. Comment vas-tu, cher Captain ? Oh bah écoute, le Captain, il va bien. J'espère que nos auditeurs vont bien également, malgré le froid, la faim, le sida, et surtout les nègres, hein, et toutes les autres calamités qui nous tombent dessus régulièrement. N'oublions pas les Algériens tout de même, ni les Juifs. Est également présent avec nous cette semaine MacDav. Salut MacDav. Salut les amis, salut les copains, les copines, les youpins et les youpines. MacDav qui fait vivre le terroir à un point, hein, c'est simple, hein. Dans ton département, si t'étais pas là, je crois que ce serait la récession, hein, on peut le dire. Voilà, bon, il vient de confesser, voilà. Et Derek est avec nous également cette semaine. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien, Derek. Ah ben moi ça va toujours bien, hein. Je vais dire du mal des Juifs, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Oui, c'est après. Bah avant de commencer l'émission déjà. Oui, hein. Oui, à peu près deux minutes. Voilà. Deux minutes. Oui, c'est-à-dire que oui, les gens nous écoutent dans l'émission, mais donc ils réalisent pas nécessairement. Mais je veux dire, il y a pas un jour sans qu'on dise du mal des Juifs. On va essayer. C'est... Ouais, hein, mais, entre autres. Il m'arrive de maudire les Juifs en rêvant. C'est... Ah. Ah ouais, c'est très particulier. Je vais pas vous parler d'un rêve que j'ai fait cette semaine. Il serait assez surprenant. On y parlait beaucoup allemand et c'était assez. Je me suis surpris moi-même. Hein. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est un rêve. C'est le type de rêve qu'on met dans les films, vous voyez. Tellement que c'est improbable, quoi. Mais c'est très curieux, très curieux. Mais enfin, c'est peut-être prophétique, hein, je ne sais pas. Alors, les amis, je vous propose de commencer avec notre rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors, c'est un homme qui nous écrit, un auditeur, et qui nous parle un petit peu d'un petit épisode de sa vie anecdotique, hein, bien sûr. Hein, c'est assez léger, mais bon, voilà, courrier des lecteurs, donc je le cite. « Bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je vous écoute depuis plusieurs mois, mais je ne me suis jamais exprimé sur votre site, préférant vous lire et vous écouter plutôt qu'apporter mon commentaire. Mais là, je ne peux plus me taire et souhaite vous faire part d'une anecdote. Coupé du monde télévisuel depuis plusieurs années, préférant à cela la lecture et Internet, je m'exile dans mon bureau pour lire pendant que ma femme regarde des émissions auxquelles je ne prête d'habitude pas attention. En effet, je vis en couple avec une femme charmante, qui, contrairement à ce que vous dénoncez, et qui est de plus en plus la norme, est aimante, cherche toujours à me faire plaisir, travaille parce que la conjoncture nous y oblige, mais à part son attrait pour des émissions débiles, est une femme à part entière, ressemblant à celle que l'on pouvait voir dans les années 50 et 60. J'ai pu lui faire comprendre, au long des années de vie commune, que les Juifs étaient nos ennemis. Elle lève même le bras d'un air goguenard quand je dis « Sieg Heil », c'est vous dire le plaisir que je prends avec elle. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, même si je n'ai pas réussi à la dissuader de regarder ses émissions à la con. Que voulez-vous, personne n'est parfait et des fois, je fais preuve de faiblesse. Cette semaine, n'ayant pas envie de finir les mémoires de Jean-Marie Le Pen, ayant plutôt envie de décrocher et de laisser mon esprit au repos, je rejoins donc ma dulcinée sur le canapé et regarde avec elle une émission qui s'appelle « Un dîner presque parfait » sur W9. C'est un jeu où les participants doivent cuisiner et le meilleur d'entre eux gagne une somme d'argent. Je suis donc ces cinq jeunes cons qui se prennent pour des chefs étoilés, tous suffisants et sûrs d'eux-mêmes. Ils sont tous français, en tout cas sur le papier. Quant aux origines, elles sont beaucoup plus douteuses. Il y a là une Laotienne, une Cafre, une Italienne, un Belge... et une française. Chacun d'entre eux était chargé de faire découvrir les spécialités de son pays, entre guillemets. Je vous passe les aléas et les approximations culinaires qui m'irritent, travaillant moi-même dans la restauration depuis 18 ans, il y a quelques années. Qu'importe auprès de ma blonde, je m'occupe plus de partager un bon moment sans trop réfléchir, plutôt que de me prendre la tête ou de m'énerver. Enfin, jusqu'à ce jour, vendredi, jour du dénouement, date à laquelle nous allons enfin connaître le ou la grande gagnante de cette tambouille digne d'un réfectoire de lycée, le jour de la tonte de la pelouse. En préambule, je dois préciser que celle qui était chargée de faire découvrir son pays d'origine, l'Italie, a fait apparemment des choses intéressantes qui semblaient correspondre à ce que ma grand-mère me faisait, étant, vous l'aurez compris, d'origine italienne. Mais voici le résultat tant attendu. La gagnante ultime n'est autre qu'une grosse négresse difforme comme nous pouvons en voir des fois dans les articles de Démocratie Participative, quand elle chie partout et qu'elle pisse dans le RER. Cette grosse négresse difforme qui bouffe de la terre en guise de plat de résistance dans son pays d'arriéré vient donc nous expliquer comment Bocuse, Robuchon doivent cuisiner. En conclusion, je voulais vous faire part de cette tranche de vie tout à fait banale pour en tirer une résolution. Même pour me libérer l'esprit ou pour faire plaisir à ma gonzesse en étant auprès d'elle pour regarder la télévision, jamais plus je ne laisserai le producteur Shlomo essayer de vouloir me faire croire que la bouffe des nègres peut être comparée à notre art culinaire français. J'aurais mieux fait de finir les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je me suis défoulé en écrivant cela, merci pour le travail que vous faites, tant par écrit que par oral. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous écouter. Des grandes bresses qui nous a écrit, et je prends vos réactions. Alors vous l'avez compris, hein, c'est pas un sujet très lourd, hein, mais on sent l'homme qui a souffert devant sa télévision, surtout qu'il est de la partie, hein, je veux dire, il maîtrise là. Donc c'est pas évident. Alors il y a des gens qui ont beaucoup de fourchettes dans l'émission. Alors qui veut se manifester? Derek. Oui, c'est ce type d'émission là qui passe sur toutes les chaînes. Alors tu as Top Chef, machin. Là c'est les, en l'occurrence, ce sont des gens lambda quoi. Et là, comment ça s'appelle cette émission là? J'ai oublié le nom. Enfin bon, c'est des gens lambda qui font la cuisine entre eux, qui se notent. Bon, là, c'est la négresse qui gagne à la fin. Pour connaître un petit peu la gastronomie nègre, bon, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que tu as une espèce de fécule et tout ça trempé dans une sauce grasse avec une viande hyper cuite. Ça, c'est ignoble. Bon, si c'est ça qui gagne, en France où quand même on a quand même une bonne tradition culinaire, la meilleure du monde, de fait. Oui, hein. c'est d'autant plus qu'elle est diverse. C'est-à-dire, tu as des régions qui sont plus proches de l'Italie où tu as des spécialités. Le Dauphiné, c'est encore autre chose. Le Nord, c'est autre chose. Enfin, la Bretagne, c'est encore autre chose. Enfin, tu as tout un tas de spécialités de terroir qui font qu'effectivement, on peut dire qu'on est les meilleurs là-dedans. Pour ce qui est spécifiquement de la présentation que peuvent avoir ces gens-là au niveau de la bouffe, ils prennent beaucoup plus de soin à présenter un truc avec, c'est les machins modernes, c'est-à-dire que tu fais du vier, quoi, tu fais un trait avec un coup de vinaigre, un truc comme ça, et puis ça, c'est beau, tu vois, c'est beau, mais t'as rien à bouffer, tu vois, après tu vas au McDo parce que t'as faim. Non, je n'accepte pas ça, c'est pas comme ça qu'on mange, on bouffe avec une bonne louche et un bon canon de rouge. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ouais. Alors lui, son problème, c'est que, on comprend, hein, voilà, la télé fait énormément de ravages, c'est une banalité que de le dire, mais c'est dramatique à quel point ça abrutit les gens, la télévision. C'est pas pour rien que les juifs s'en sont emparés, hein. Et donc, il est là, moi, en général, je boycotte, je regarde pas la télé, voilà, mais bon, allez, ouais, j'ai envie de passer un moment avec ma compagne, pour me détendre, et en fait, non, c'est là qu'il découvre que, non, la télé, c'est pas fait pour te détendre, c'est fait pour t'agresser, en fait, c'est t'agresser jusqu'à ce que tu te soumettes, quoi, et que t'avales, effectivement, des négresses cuisinières qui remportent des prix, enfin, bon, c'est... Qui d'autre, là-dessus? Oui, ce récit, moi, je peux pas m'empêcher de repenser à une image illustre qui traîne sur Google Images de Madame Taubira dans son pays natal, en train de préparer la cuisine. Effectivement, et on voit cuisine. La grande gamelle, et effectivement, on dirait une bassine de chiasse, quoi. C'est un pot de chambre, oui. On dirait une bassine de chiasse. Marron kaki, c'est absolument... infernal, quoi. Non, mais ça n'existe pas, en plus, l'art culinaire nègre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je crois qu'en Éthiopie, un copain qui voyage dans les pays m'a dit qu'en Éthiopie, ils avaient une cuisine qui était assez sympathique comparativement à toute l'Afrique de l'Ouest, et compagnie. Mais sinon, par rapport à ce que disait l'auditeur, en Haïti, j'avais vu un reportage en Haïti, ils ramassent de la poussière dont ils font des cookies après. Ça, c'est un des plats traditionnels. C'est les galettes de terre. Alors, moi, j'ai les steaks de mouche. Non, les steaks de moustique, autant pour moi. À lui, là. Ouais, bah oui, bien entendu. Les gens, ils sont là, non mais ils déconnent ou quoi? Steak à l'huile de palme. Gandalf. Non, non, c'est authentique. C'est-à-dire qu'ils ramassent des tas de moustiques, parce que là-bas, en Afrique, ils vivent dans des nuages de moustiques. Hein. Et alors donc, ils les attrapent comme ça, avec des filets. Et au bout d'un moment, vous avez une masse, quoi. Et alors, ils en font une espèce... Ils les broient à la main. Parce que vous avez une espèce de pâte de moustique. C'est pas des conneries, hein. Et ils en font une espèce de... Bah, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à un steak haché, quoi. Et ils le mettent sur une plaque avec de l'huile. Et ensuite, ils bouffent ça, ils sont super contents. Alors, voilà, ça, c'est la cuisine des nègres. L'avantage aussi, c'est qu'en plus, ça renoue avec leur tradition du cannibalisme, puisque les moustiques sont souvent gorgés de sang humain. Donc, bon, une pierre deux coups, là, c'est la tradition primordiale. Quoi. Sans avoir peut-être à subir, j'allais dire, comment dirais-je, de remise en cause morale. Bon, je crois pas que ça effleure tellement. Oui. Bon, mais disons qu'effectivement... Ça leur permet de sucer le sang de leurs congénères sans avoir à être officiellement des cannibales. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'émissions à la con comme ça, là, des émissions. Moi, j'en ai. Il y a des. Enfin, c'est tous les modèles en fait. C'est décliné dans tous les pays, ouais. Ça. Hein, bien sûr. Hein. Ouais. Magdav, ouais. Ouais, non, la cuisine africaine, c'est très gras. Hein. C'est beaucoup à base d'huile. Ils utilisent beaucoup de cacahuètes aussi. Enfin, du poulet. Non, c'est pas. C'est vraiment poulet, pas ouais. Fin. Ouais, non, ils adorent ça. Bah, c'est en général du manioc ou de l'igname avec une sauce d'arachide ou sauce avec l'huile de palme et je te dis une viande avec tous les parasites dedans qui est ultra cuite justement pour pas que tu crèves. Et, ah ouais. Et c'est dégueulasse quoi, c'est infect. Ah, les épices elles servent des fois, enfin très souvent à cacher le. La viande qui est avarée en fait. À la base, ça servait à ça les épices. C'est pour ça qu'ils en mettent ils en mettent à la louche, parce que c'est pas bon en fait. Ouais. Ah là là, chère télévision française. Qui c'est qui ici parmi vous là, regarde encore la télévision? Moi, je ne regarde que BFM TV pour dire du mal des juifs. Oui, c'est ça. Rarement, tu vois. Je dis, bah, tiens, je m'ennuie, je veux dire du mal des juifs, tu vois. Pour dire du mal des juifs ou pour vraiment confirmer que t'es bien un national-socialiste convaincu Ah, les deux, tu vois, il y en a un là, putain, Misraki là. Il a... Ah oui. Ah. Ah, lui, dès que je vois sa gueule, j'ai envie d'enverrer la Pologne, quoi. Moi, j'ai plus de télé depuis 10 ans. Et je me porte très bien. Mais en fait, j'ai plus de télé que depuis que j'ai quitté mes parents, quoi, tu vois, pour faire ma vie. Parce que j'ai une trentaine d'années. Et. Ça ne me manque absolument pas et en fait quand je suis chez des proches ou chez des amis et qu'il y a une télé qui est en fond sonore, je me rends compte que j'ai vraiment évolué dans une autre direction en fait. Je un petit peu comme si je sortais de 50 ans de tôle ou de 100 ans de frigo. C'est bizarre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors en fait, tu te rends compte de l'ampleur du lavage de cerveau, en fait, dans quoi les gens baignent, en fait, hein, c'est tout. Hein. Bah ouais, c'est ça. Alors cette émission, je l'ai déjà vue. Alors c'est très très à la mode, en fait. On met en compétition des Français moyens. Alors ça peut être via la cuisine, ça peut être également via la mode. Et ça, c'est très très. Enfin, ça plaît beaucoup à la ménagère. Mmh. Et. C'est là que tu te rends compte que les gens, ils ont un ego surdimensionné, ils se donnent des notes, ils sont dans la compétition alors qu'ils sont juste nuls. Et c'est plutôt que d'apprendre à faire quelque chose, comme certaines émissions peuvent le faire, ou de montrer quelqu'un de vraiment talentueux. Non, non, tu mets en fait en compétition la médiocrité, donc c'est pour ça qu'il faut pas regarder ces merdes. Ouais. Quelqu'un d'autre là-dessus, bon, c'est vrai que c'est un sujet assez léger, hein, mais voilà. Bon, c'est souvent pour combler l'ennui, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent moi j'aime bien passer le temps, c'est l'expression qui revient souvent, passer le temps, parce qu'on sait pas quoi faire, alors bon, on regarde la télévision. Voilà. Oui, c'est vrai que quand, surtout dans les métiers manuels, tu vois, quand tu t'es cassé le dos toute la journée, t'arrives à la baraque, bon, voilà, c'est ça, hein, mais c'est de l'auto-abrutissement, en fait. Hein. Mais il faudrait couper, moi, je suis un partisan de ça, il faut débrancher les gens. Hein. La télévision, ça doit être vraiment rationné. Honnêtement, allez, deux heures par jour, mais entre les mains d'une programmation intégralement fasciste, quoi. Tu vois, donc un peu de musique classique, information ce qu'il faut, un peu éducatif sur deux trois trucs, enfin des trucs nobles. Un bon film une fois de temps en temps. Ça. Pourquoi pas, très bien sélectionné, mais enfin on aurait à ce moment-là un cinéma de qualité, vous pouvez m'en croire. Mais voilà, mais il faut là le problème c'est la télévision comme ça, le robinet télévisé pour tous tout le temps tout. Ça, c'est... Alors des gens vont me dire ah oui mais bon maintenant il y a les smartphones donc de toute façon il y aura toujours des gens vissés sur des écrans. Certes, mais sur un smartphone il y a quand même une dynamique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conneries qui passent sur les smartphones, mais il y a encore quand même une forme de recherche. Alors que la télévision c'est du 1.0, quoi. C'est-à-dire qu'on vous sert un truc, vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez pas interagir, hein. Vous recevez, point. Mais c'est... Bon. Au fil des années, quand même, tu as des belles audiences. Hein. De la télévision en général, ça se reporte beaucoup sur l'Internet. Puis maintenant, il y a une offre au niveau du câble, enfin, il y a toute une série de télé, de... Disons... Enfin, ça n'a plus rien à voir. Enfin, moi, quand j'étais gamin, c'était vraiment l'antiquité quoi au niveau audiovisuel, hein. il y avait 6 chaînes officiellement en France, hein. C'est ça, ouais, hein, ouais, il y en a eu 2 pendant longtemps, hein. Donc, pendant longtemps, et bien oui, il y a même une seule avec le RTF, hein. Il y a peut-être une deuxième, mais je crois qu'il n'y en avait qu'une, mais 6, et puis ensuite il y a eu toute l'offre du câble. Alors je vais pas dire qu'il n'y a jamais rien, des fois il y a sûrement quelques documentaires qui passent, mais enfin il y a quand même énormément de merde. Enfin pour moi c'est 95% de déchets, hein, l'audiovisuel français. Hein. Et en fait, même quand il y a des documentaires qui peuvent être intéressants, c'est des productions étrangères souvent. C'est rarement des productions. Et ça flatte les bons instincts, c'est-à-dire ils ont la possibilité en matière de sport et tout de faire. De faire tout un buzz avec des gens qui n'y connaissent rien, ils invitent des gonzesses pour parler de foot et compagnie. Ça dure des heures et des heures, rien que sur une petite news. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Ou alors, quand c'est pas des gonzesses, c'est des types qui font 130 kilos, qui n'ont jamais joué au foot, qui sont là. Enfin, c'est ouais, ça, c'est la règle du foot. Hein, excusez-moi. Bon, on va pas se lancer sur le foot. Parce Pierre Ménès. Par contre, il y a Netflix. Quelqu'un peut me parler brièvement de Netflix là, à ce niveau-là, peut-être Captain America il touche un peu. Parce que c'est un vrai phénomène ça. Hein. C'est une saloperie. Oui, bah oui, ça, je suis d'accord. Il y a un message idéologique sous-jacent, c'est clair. Ah non, mais c'était sous-jacent, mais ça allait de moins en moins. Voilà, d'accord. J'ai cru voir dans la presse. Qu'ils essaient, la télévision d'État, parce que c'est ça, hein, la télévision d'État que eux ils appellent l'audiovisuel public, hein, voilà. Mais en fait la télévision d'État et tous ceux qui en vivent, en fait sont quand même globalement terrorisés par la puissance de Netflix et aller savoir demain d'une autre entité qui pourrait se créer et produire, ouais, et diffuser. Amazon qui a déjà un truc aussi. Hein. Voilà, alors qu'est-ce que ça vous pensez de ça? Est-ce que, parce que la télévision française produit ces fameux téléfilms aussi, vous savez. Alors, toujours tout ce qu'il faut. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les feuilletons, mais je veux dire, c'est quand même bien de la merde, quoi. Donc. Là, tu as des séries. Alors, j'ai regardé là récemment. J'ai découvert un truc, c'est une espèce de... Ça s'appelle Shérif, tu vois. Et Shérif, en fait, c'est un arabe policier, tu vois, qui fait le beau gosse et puis qui résout des enquêtes. Tu vois, c'est... Shérif, hein, c'est... On sent l'humour français, là, tu vois. Ouais, tu sens que les juifs nous ont fait une petite blague, quoi. Et ça, tu as des nanas, des trucs de nanas à droite à gauche... Ça, c'est bon, c'est du truc, c'est du truc old school, quoi. C'est-à-dire que si, pour résister à Netflix, ils se basent sur Plus belle la vie, ils sont perdus, hein, ça c'est sûr. Plus belle la vie, ça se fait encore. Bien sûr. Et ils ont créé une espèce de Plus belle la vie, mais à Montpellier aussi. Donc c'était quand tu as Plus belle la vie sur France 3, et quand tu as fini Plus belle la vie sur France 3, tu es sur France 2 après le journal, tu as le Plus belle la vie Montpellier. Et c'est pareil, c'était le même truc... des pédales, de l'inceste, de la pédophilie, des trucs interraciaux. Voilà, c'est le même gars qui crée ça, hein, Sulzinger. Hein, c'est un juif. C'est le même Youpin, quoi. Du coup, je comprends pas pourquoi les télévisions françaises d'État seraient inquiètes par rapport à l'omnipotence de Netflix, puisque finalement, c'est Netflix, c'est des bronzés et des juifs qui ont envie de saccager le cerveau des jeunes blancs à travers le monde et basé aux USA, et puis télévision d'État avec Plus belle la vie, c'est la même chose mais limitée à la France. Alors après, c'est même pas une question de soft power des USA, puisque de toute façon, c'est des juifs qui tiennent Netflix, et absolument rien de patriotique dans les émissions qui sont diffusées sur Netflix, quoi. Ah, comment dire Non, bah si, le truc, c'est en fait, s'il n'y a pas d'audience, ils peuvent pas justifier les budgets énormes qu'on leur alloue, hein, ministère de la Culture, référence. Je pense que tu sous-estimes la capacité du système communiste à dépenser du pognon pour des trucs. Non, mais t'as raison, ça c'est juste. Mais je pense que ce qui les inquiète, c'est de ne pas pouvoir imprimer leur message à eux. Je pense pas, franchement. Parce qu'il y a des spécificités, tu vois, il y a des repères spécifiquement français. Attention, je dis français, c'est pas français avec un grand F, hein, c'est français au sens politique, c'est-à-dire de faire passer, je sais pas, des messages résistantialistes sur crypto-communiste, crypto-gaulliste, en fait, tous ces trucs-là, si vous voulez. Donc, si vous faites une série, je sais pas, mettons que ça se passe dans les années 40, admettons, l'État français peut dire non, attendez les gars, on va la faire comme ça, vous allez bien mettre ça, tel personnage, tel truc, tel machin. Alors que si les Américains font un truc, bon, ils peuvent prendre 2-3 machins, mais ils s'en foutent. Je veux dire, ils ont pas de billes dans la machine, quoi. Ils en ont rien à foutre de présenter De Gaulle sous un jour plus ou moins favorable. Ils s'en fichent complètement. Donc, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que ça peut leur échapper virtuellement, quoi. C'est-à-dire la capacité à narrer, narrer des épisodes de l'histoire de France qui sont politiques, ou même d'interpréter ce qui se passe ce qui peut se passer dans la société française ou dans la société en général occidentale, quoi. Donc je fais ça, et c'est vrai que c'est important de pouvoir le faire, et je crois que ça les inquiète, je pense, outre le côté alimentaire, quoi, parce qu'il y a quand même des gens qui en vivent de tout ça, hein. Mais bon, je connais pas le rapport de force actuel, quoi. Je connais pas, mais je sais qu'ils se sentent menacés, enfin, donc tous ceux qui produisent les, parce que franchement, raison. Joséphine Ange Gardien, excusez-moi, c'est la 19e saison. C'est quand même. je veux dire, ça fait pas réfléchir quand même. C'est quand même. Excusez-moi, quoi. Non, mais l'audiovisuel français, que ce soit au niveau des séries, des produits généralement par les télévisions, ou que ce soit les films. C'est la déchéance, mais il y a quand même beaucoup de pognon. Alors effectivement moins que les grosses productions américaines, mais il faut voir ce qu'on a produit. C'est rien que en 2018, tu regardes le film, c'est à la 2 avec le gros Youpin, Kev Adams. C'est que des films dans ce genre-là. C'est de la bouse. Mais ouais, c'est terriblement mauvais, en fait. Même les Américains, je pense, ne font pas aussi mauvais que nous. Tu vois, le CNC et compagnie, l'élite artistique française, les couilles. C'est juif, hein. Ouais. Non, mais c'est juif, mais c'est pas ça. C'est que bon, tout ce qui est. Tous ces séries à la con qui passent sur l'audiovisuel public pour la plupart, c'est destiné aux boomers. Hein. Personne d'autre ne regarde. Allez, peut-être les boomers et la génération qui arrive après, quoi. Les nanas qui ont jusqu'à 50 ans, 45-50 ans encore, c'est leur dernière cible. Tout le reste, personne ne regarde. Ouais, il y a Canal Plus qui a quand même essayé de produire des séries qui étaient destinées à un public un peu plus jeune, mais dans la quasi-totalité des cas, en fait, c'est pompé sur d'autres séries américaines, c'est très très visible. Et tu vois, les Américains, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais. Je dirais même plutôt les anglo-saxons, parce que les anglais font aussi de très bons programmes, mais au moins t'as une diversité et t'as vraiment du divertissement de qualité. Et les Français sont totalement incapables de faire ça. Enfin, on regarde les séries françaises, c'est nul, quoi. Je dirais, à part, il y a Casso Juif qui a voulu faire une série plutôt pas mal sur la. sur l'espionnage, enfin, sur la géopolitique, on va dire. Mais c'est en fait c'est assez bas de gamme. Mais vu que c'est la meilleure série française, elle est considérée comme de qualité, mais c'est très très médiocre. Non mais tous ces programmes là, comme ils sont gavés d'argent public, je crois qu'on en parlait un petit peu la dernière fois sur ou la fois d'avant sur tout ce qui était l'art subventionné, l'art officiel. Forcément, tu fais de la merde, hein. Tu vas pas sortir. Tu mets les copains, les copains renvoient les copains, etc., etc. Et le talent n'existe pas là-dedans. Hein. C'est tout du. Bien sûr. C'est tout du ressucé, de vue ailleurs, etc., etc. C'est du sous Netflix. C'est du sous Netflix. Trop de bourgeois, trop de fils à papa et trop de juifs. Quoi. C'est ça. Surtout trop. C'est ça. Ouais. Puis la télé-réalité aussi. La télé-réalité avec le Love Story, c'était en l'an 2000, je crois. Bon, à l'époque, c'était Castaldi qui faisait ça. Je me rappelle, il y avait un même prof, quand c'est sorti, il m'a dit ça, c'est peut-être prophétique. Il m'a dit, c'est la fin du monde, il m'a dit. Mais de toute façon, le peu que j'ai regardé du reste des autres télé-réalités, ça correspondait quasi exactement à. Au premier, quoi. Donc, en fait, c'est une déclinaison simplement de. D'ailleurs, ça n'a rien de réalité. Hein. C'était simplement, on met une caméra et puis on met des jeunes cassos ensemble, voilà, qui font attention à leur apparence. Et on appelle ça de la télé-réalité. Ouais. Bah, c'est du vide, en fait. C'est ça, la réalité. C'est le vide, c'est le vide, en fait. C'est là que tu vois. C'est une époque totalement nihiliste, en fait. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas en fait de créer quelque chose de beau, de grand, d'élever les masses, parce que c'est ça l'équilibre en fait à trouver avec ce genre de médias de masse, quoi. C'est essayer d'élever le plus grand nombre vers quelque chose qui est beau, mais qui reste accessible, quoi, qui soit pas trop élitiste. Donc faut qu'il y ait une volonté élitiste, mais il faut que ça reste accessible. Or les juifs font à dessein exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait ils mettent les masses devant un miroir, mais un miroir déformant, vous voyez, c'est que ce miroir se focalise sur tout ce qui est le plus dégradant, les penchants les plus bas, voilà, ce genre de choses, quoi, parce que eux c'est ce qu'ils veulent en fait, hein. C'est toujours eux ils veulent de toute façon, c'est ce que je dis, quoi, enfin c'est les juifs veulent détruire la civilisation occidentale européenne. Et de toute façon, partout où ils seront, ils détruiront toujours tout. Donc, évidemment, eux, si vous voulez, c'est un petit peu comme le serpent, vous voyez, dans la Bible, qui suggère, en fait, voilà. Et c'est exactement ça qu'ils font avec les médias, et notamment le média télévisé. C'est qu'en fait, si vous voulez, ils tendent aux gens les choses les plus dégradantes, et les gens y vont, quoi, si vous voulez. Et voilà, quoi. Donc, bon. Et on flatte les bas instincts, c'est ça. Voilà, Loana, c'est ça. Par exemple, hein, il faut voir. Loana, bon, soi-disant, bon, pour son physique, etc., à l'époque, hein, mais qui avait dû abandonner son enfant, etc., qui était stripteaseuse, qui ensuite était rentrée dans la drogue, avait pris 30 kilos, enfin bon, c'était. Il faut voir, c'est des cassos, quoi. Après, les gens qui vont regarder ça, alors, justement, ça. Il y a plein de gens qui sont isolés, qui sont seuls chez eux, qui ont peu de contact avec l'extérieur. Donc, du coup, ils disent, ah bah tiens, c'est la télé-réalité, je vais regarder comment vivent les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, du coup, ils se font une idée qui est forcément fausse, qui est en partie vraie, malheureusement, mais qui est aussi largement déformée de la réalité. Et puis après, soit ils vont se dire, ah bah tiens, c'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui, ou alors ils vont se dire, bah oui, à mon époque, c'était quand même mieux. Enfin, ça n'apporte rien, c'est pas du tout, c'est complètement stupide. Ouais. Je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, les amis. Autisme radical. Ça porte très bien son nom parce que là, c'est magnifique. Alors, on a parlé dans les deux dernières émissions de Bilal Hassani, hein, donc le travelo avec sa perruque blonde. Pas besoin d'y revenir. Si ce n'est que, quand même, pour ceux qui auraient loupé les deux épisodes précédents, il a donc été sélectionné pour aller en Israël chanter sa chanson de Fiot en sa qualité de Marocain déguisé en femme pour représenter Dixit la France. Bon, ça vous êtes au courant, vous savez tous. Bilal a été ignoblement attaqué sur les réseaux sociaux. Hein. On a parlé de milliers et de milliers de menaces de mort, etc. À tel point que le gouvernement français... Parce qu'il y avait quand même l'idée de véhiculer un message positif autour du fait que ce soit un travelo et que le travloïsme sidaïque était quelque chose d'absolument normal. Hein. C'est ça, c'est la volonté de normaliser... en fait, là, comment dirais-je, non seulement l'homosexualité, bon, ça, je crois que ça fait, c'est fait depuis longtemps au niveau politique et médiatique, mais en plus maintenant, donc les ce qu'on appelle les transsexuels, ce que appellent les transgenres, et ça a bugué, il y a eu des clashs, et il y a eu un clash dans le clash, c'est-à-dire que parmi en fait les gens qui ont abondamment vomi sur Bilal Hassani, il y a aussi une organisation homosexuelle très connue qui s'appelle ACT UP, hein, organisation de fiottes, qui reprend d'ailleurs le triangle rose. Donc, comme quoi, on n'est pas si en décalage que ça. Ces gens se marquent. Ils se marquent eux-mêmes, remarquez. C'est parfait, parfait. Alors, ils n'ont pas attaqué Bilal Hassani en tant que tel. Hein. Ils ont communiqué, donc c'est ACT UP, sur son compte Twitter, qui dit la chose suivante. « Nous rejoignons l'appel international des militants teux. » Bah, vous savez, la façon dont ils écrivent, quoi. Et organisation queer palestinienne visant au boycott de l'Eurovision qui aura lieu cette année à Tel Aviv. Non au pink washing. Alors, pink washing, pour ceux qui ne savent pas, pink, rose, washing, laver. Donc, c'est laver plus blanc que blanc, mais rose, donc ça veut dire d'utiliser la cause homosexuelle pour faire passer, si vous voulez, des choses moralement inacceptables. Donc, en l'occurrence... le sionisme, hein, voilà, donc non à l'utilisation, l'instrumentalisation de la cause homosexuelle, là je cite ACT UP, pour faire valider le sionisme et la colonisation de la Palestine. Hein. Soutien aux queer palestiniennes. Je fais exciter le compte Twitter. Alors, sur ces entrefaites, on précise qu'on adore Bilal Hassani et qu'on le soutiendra de toutes nos forces face aux fachos LGBTI-tophobes. Je cite, hein. Alors il y a des licornes et tout sur le compte Twitter. Mais il nous semblait important de répondre à l'appel de nos frères et sœurs palestiniennes et de dénoncer les opérations de pink washing. Ça aurait tout. Et alors, comment dirais-je, c'est très très drôle puisque... pratiquement au même moment, hein, ça s'est passé dans les mêmes 24 heures, quoi. Le président du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, donc l'ambassadeur d'Israël en France, si vous voulez, s'était insurgé contre les propos, menaces qui visaient le travelo en question, Bilal Hassani, disant ceci: « Solidarité avec Bilal Hassani qui va représenter la France à l'Eurovision et subit des attaques racistes, homophobes et des menaces afin qu'il boycotte le concours de Tel Aviv. Campagne de haine honteuse de BDS, donc boycott des investissements, sanctions, ça en fait c'est la campagne de pro-palestinienne de boycott d'Israël, qui contrevient à la loi de notre pays, hein, notez bien. » Et il met en hashtag « Beloubet Castaner ». Il frappe à la porte le juif, voilà, j'ai des gens à vous dénoncer là. Et ensuite, il y a eu toute une série de juifs comme ça qui ont réagi, Raphaël Enthoven, la même chose, Sacha Goslan de l'UEJF, Union des étudiants juifs de France, etc. Bon bref, toute la juiverie s'est mobilisée en faveur donc du travelo. Et c'est là qu'est intervenu le fameux tweet d'ACT UP. Et alors là, ils ont été, mais les juifs ont été, mais mal, quoi. Alors, je veux solliciter votre réaction comment on appelle ça, l'intersectionnalité difficile, hein, compliquée, là. Qui veut réagir? Quelque chose à dire? Ouais, écoute, c'est très rigolo de voir ces deux coteries, là, qui sont en train de se bouffer par... les juifs soutiennent la fiotte, et tu as l'association des fiottes qui veut gazer les juifs, en gros. Hein. Donc c'est... Alors, précisons, c'est important pour que les gens comprennent. Cher Derek, pourquoi les juifs soutiennent les fiottes? Parce que tu as des queers palestiniens qui sont... Non, je vais le dire pourquoi. Ils soutiennent les PD. Ah oui, parce qu'ils veulent se faire enculer par des Arabes, oui, voilà. Non, c'est même pas ça. C'est pourquoi dogmatiquement, les juifs soutiennent les fiottes, par principe. Ah, les juifs soutiennent les fiottes bah, pour nous humilier. Enfin, ça, c'est... Bien sûr, et aussi parce qu'ils veulent détruire l'homme blanc hétérosexuel qui est le pilier des sociétés aryennes. Hein. Bon, voilà, oui, ça, c'est clair. Détruit, voilà. On est détruit par l'humiliation, c'est pas nouveau. Voilà, donc ça, c'est le truc dogmatique. Et là, il y a le bug, puisque les PD, qui sont, enfin, les organisations pro-PD, qui sont quand même des organisations de gauche, veulent quand même être en bon terme avec les gens marrons. Oui. Qui explique le truc, en fait. Parce que les queers palestiniens, excusez-moi, mais les travelots en Palestine, enfin, je veux dire, c'est... Si jamais il y en a eu un, on lui a pris à voler. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as les PD de gauche, et même les gauchistes, qui sont plus juifs que les juifs. C'est-à-dire que les mecs, ils se sont fait enjuer, et ils vont encore plus loin que les juifs. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas la dimension ethnique et raciale. N'étant pas juifs, mais sur le programme juif, ils vont jusqu'au bout de la démarche. Et forcément, les juifs sont en porte-à-faux, puisqu'eux veulent protéger leurs intérêts. Oui, c'est ça. Bah là, on voit bien le double discours juif. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation nationaliste d'un côté, en Israël, etc. Donc, voilà, la patouche à mon pays. Et de l'autre côté, le soutien à tout ce qui peut dissoudre les nations en Occident, dont le lobby homo-sidaïque dit LGBT, les travelots, tout ce qui s'ensuit. Et là, effectivement, ils se prennent les pieds dans le tapis, nos amis les juifs, de la plus belle des façons. C'est quand même assez drôle. Quelqu'un d'autre sur juste sur ce point, sur ce qu'on a dit, enfin si quelqu'un veut préciser quelque chose sur cette histoire de retour de flamme du lobby LGBT qui est pas tout à fait clair sur son rapport aux juifs et aux basanés, pas spécialement. Ah, ouais. Qu'en pense Thierry Messant ? Faudrait lui poser la question, cofondateur d'ACLUP, hein, notamment. Ah bah lui, il a choisi son point, quand même, sans mauvais jeu de mots. Voilà, mais Act Up, par exemple, je vois là un papier de 2010 du Figaro. En 2010, Act Up Paris touche 125 000 euros du contrat de financement de l'État. Enfin, voilà, donc votre pognon est dans c'est mal expliqué, ça. C'est mal expliqué. Tu l'as mal dit, ça. Pardon. Donc, Non, il faudrait expliquer. Figaro... C'est mal expliqué. Tu dis, il a touché combien ? 125 000 euros de l'État. Non. Le lobby homosexuel a volé 125 000 euros au peuple français. Voilà, c'est peut-être mieux formulé là. Et qui lui a été donné par l'intermédiaire de l'État. Bah, ça, c'est la municipalité de Paris ou c'est l'État ? Là, c'est, je cite, hein, l'État a aussi donné par exemple en 2010 100 000 l'État. Euros à telle association et donc 125 000 à Act Up Paris. Après, il chope d'abord, donc il chope à l'État, après il chope à la région, après au département, et après à la ville. Pour se taper quoi ? De la coke avant de se faire enculer, hein, bien sûr. Voilà. C'est important à souligner. Alors, sur ces entrefaites, les amis, Bilal Hassani a fait parler de lui ou d'elle, hein, ça devient complexe. Puisque des tweets ont refait surface cette semaine, les amis. Je t'arrête tout de suite. Ah. On dit YEL. On dit pas il ou elle. Oh, ah oui. YEL. Déjà maintenant, quand on dit LGBT, c'est réactionnaire. Maintenant, c'est LGBTI. Putain, Q. C'est plus. Ouais, QRT, comme le clavier. QRT plus. Comment dire donc, les tweets ont refait surface, dans lesquels on apprend deux choses importantes. Je vais vous les lire. Bon, c'est anecdotique, mais. Enfin, ce qu'il écrit, quoi. Mais je vous les donne pour être factuel. Premier tweet de notre ami La Fiode. Alors, ça, c'est le 22 août 2014. Il réagit, je pense, à je sais pas quel truc en particulier, mais ça touche la Palestine. Êtes-vous stupide, écrit Bilal Hassani, le crime contre l'humanité vient d'Israël. Et il met ça en lettres capitales. Et donc il réagit à un article du Monde, visiblement. Israël commet des crimes contre l'humanité, je présume contre les Palestiniens, on est bien d'accord, contre les Arabes, les musulmans, voilà. Deuxième tweet, alors ça c'était plus tôt, c'était le 7 janvier 2014. Ça concerne Dieudonné. Et c'était par rapport au Grand Journal. Grand Journal, c'est Yann Barthès, non ? Non, c'était Denisot à l'époque. Denisot. Sérieux, parlez pas comme ça de Dieudonné alors que vous allez chercher vos infos dans les poubelles. Apprenez la vérité. Donc Bilal Hassani, bah, somme toute, reste un bougnoul. Hein, travelo, pas travelo. Le bougnoul, il remplit la case donc, de vouloir... L'antisionisme, hein. Voilà. Oui, l'antisionisme et de vouloir gazer des juifs. Donc, voilà. Écoute, moi, je... C'est bien noté, hein, le crime contre l'humanité, ouais, qui est quand même la rhétorique. Normalement, il y a un monopole qui est établi sur oui. le truc. Ah oui, tout à fait. Mais c'est ce que je dis depuis le départ, Bilal Hassani représente très bien la jeunesse maghrébine de France. El famoso courage intellectuel maghrébin, hein. Bilal Hassani nous a tout simplement fait une Jamel Debbouze. Vous souvenez tous de Jamel Debbouze qui soutient Dieudonné et puis qui ensuite fait demi-tour à 190 degrés, quoi. À 499 degrés. Dans la salle. Voilà. Des gens du bâtard dans la salle. Ouais, ouais, il avait fait un skate. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh là là. Ouais, ouais. Non, mais on fera jamais de ces maghrébins des vrais combattants contre les juifs, hein. Ça, on dira jamais rien de ces gens-là, hein. Ouais, c'est terminé. Bah, quand même, Dieudonné a eu un sacré impact, hein. Il a fait la plus grosse OPA politique de la décennie. C'est lui qui l'a faite. Hein. Il l'a faite sur le public de SOS Racisme. Alors, c'est pas devenu. C'est toujours un anti-racisme, hein, évidemment. Mais c'est un anti-racisme contre les juifs et les blancs. Donc, mais bon, c'est marrant. Cela dit, il y a un tweet du 10 janvier 2015 dans lequel il écrit. En vrai, je suce tous les mecs de France à part les Noirs, ça me répugne. Vous n'avez pas parlé de ce truc ? Alors ça, je crois que c'est un faux, par contre. C'est peut-être un faux, ouais. Les deux, là, sont authentiques et authentifiés. Et d'ailleurs, il s'en est expliqué, hein, il a pris la parole, c'est ce qu'a dit Captain, hein, voilà, où il fait tchouva. Il fait tchouva, hein, je m'excuse. Alors, son excuse, c'est la télé suivante. C'est pas moi qui ai écrit. Voilà, c'est pas oui, moi. Oui, parce qu'en fait... C'est ça, c'est qu'il ne s'est pas excusé, en fait. Il n'a pas oui, assumé. Oui, oui, c'est pas parce bon. Que l'Arien, la limite, il va s'excuser, il va reconnaître les torts. Ou alors, il va dire, je vous encule. Mais le bougnoul, c'est pas lui. Le bougnoul, c'est le mec. C'est comme le juif, tu sais. Vous savez l'image du juif dans laquelle on voit le nez dégueulasse avec l'étoile de David, le couteau dans la main ensanglanté, qui regarde vers Dieu et qui fait « Pourquoi tu me persécutes ?» Et le bougnoul, c'est la même chose. Moi, je vous le dis, là, je vous le dis, en vrai, un jour, j'ai vu, pas qu'une fois, mais celle-là, ça m'avait choqué, j'ai vu un bougnoul qui avait poignardé un type. Bon, le mec n'était pas mort, mais il était vraiment mal, quoi. Les flics étaient là, il y avait plein de gens pour dire « oui, oui, c'est lui qui l'a poignardé et tout ». Le bougnoul était là, je t'y jure, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est, il est parti, c'est pas moi, j'étais pas là. Ouais. Ah, tu dis. Ouais. Et ça c'est le putain de bougnoul dans toute sa splendeur. C'est le mec, c'est comme le juif, quoi. Le mec, il a le sang sur les mains, tu sais. Il a limite, il a le couteau à 1 mètre parce qu'il a pas été assez intelligent pour le balancer à 15, tu vois. Il va te dire, c'est pas moi, j'étais pas là. Une fois. En gros, un mec très mal, je lui sauve la vie, d'accord. J'arrive à faire intervenir les services de police, malheureusement la personne s'enfuit, on arrive à le retrouver via la plaque d'immatriculation, la personne a dit « c'était pas moi, j'avais prêté ma voiture !»« J'avais prêté ma voiture, je t'ai promis, je t'ai pas dedans !»« Sur la tête de ma mère !» C'est un grand classique, ça, et il y a aussi les Mon fils, il a voilà. Rien fait voilà. Non mais il faut savoir que lui, puis bon, en plus bon, les Arabes ont trouvé à la personne dans les sorales quelqu'un qui dédouane de tout puisque les Arabes sont coupables de rien, innocents de tout. Hein, donc il faut partir du principe. Quand tu parles, les Arabes c'est ça. Les Arabes n'ont rien fait hein, et s'ils ont fait, c'est pas leur faute. Alors, c'est à cause des juifs. C'est très sémite. Hein. Oui d'accord, mais là je trouve que ce type. Alors bon. C'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est absolument juste. J'ai rien fait, etc. Ça, c'est vrai. Mais quand ils disent j'ai rien fait et qu'ils accusent un juif à la place, j'ai tendance à être indulgent. Non, moi, ce qui m'a fait quand même le plus marrer là-dedans, c'est c'est d'imaginer les juifs, c'est de se dire putain, on a trouvé la fiotte, on va bien humilier les blancs. Ben, Gréma, oui, non, mais. Voilà, les blancs, la France. Non, tout le monde, voilà, tout le monde. Oui, oui, t'arrives avec son drapeau français, et donc là, au final, ils se trouvent obligés de soutenir leur chose, parce que bon, quand même, c'est la pédale, et ils se trouvent obligés à soutenir un type qui a appelé à les tuer, quoi, en gros. Hein. donc, les voir le nez dans la merde comme ça, c'est appréciable. C'est un petit peu c'est un petit peu un condensé de l'histoire des Juifs. Hein. Franchement, je veux dire. Je pense les mecs se croient toujours très, ils se croient toujours très très intelligents, oui. Très très malins. Ils mettent au point des stratagèmes pour piéger, comment dirais-je, les goïms, que ce soit les blancs ou autres. Et puis invariablement, ça leur éclate toujours dans la gueule. Ça ne rate jamais. Je pense voilà. qu'ils n'avaient même pas imaginé que leur fiotte, tu vois, ultra fiotte, ait pu avoir des propos anti-Israël, puisque Israël Gay Pride. Ça leur a même pas traversé l'esprit, ils n'ont même pas fait de recherche. Quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu des mecs aller rechercher de. Je crois que c'est F de Souche qui a sorti ça, quoi. Les tweets en question pour qu'ils bougent l'oreille. Quoi. Mais... Enfin, attention, par contre, il est bien entendu que, évidemment, les Juifs ne vont pas se dédire. Hein, oui, ils sont oui, beaucoup, sûr, ils ont trop investi, donc l'autre s'est excusé, donc les mecs font comme s'ils n'avaient pas vu, tu vois. Ils vont oui, dire, oui, ils savent. Ils doivent quand même remarquer que même parmi les trucs. Les machines, c'est-à-dire l'espèce de machine démoniaque à perruque, Maghrébo pédale, qui est la créature du paradis juif, hein, par excellence. Oui, ah bah par excellence. Cette créature-là, à un moment donné, elle a quand même voulu les tuer, tu vois. Et voilà. Ça doit les faire cogiter, hein. Ça doit les faire cogiter. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, dans leur logiciel à eux, de juifs, ils se disent, bon, le problème, c'est. D'abord, ils raisonnent en termes religieux. C'est l'islam. Ils disent le problème, c'est l'islam. Bon, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de juifs le savent. Hein. Ils ont aussi une lecture raciale, ethnique. Ils disent le problème, c'est l'islam et l'arabe. Mais c'est quand même l'islam. Ils se focalisent beaucoup là-dessus. Ils disent, oh là, mon Dieu, le salafisme, etc. Et puis là, en fait, on a démonstration de ce que tu viens de dire. Enfin, ce que tu viens de dire démontre que c'est une approche de leur part qui est très insuffisante, puisque même... Parce que pour eux, la promotion de ces PD, de ces fiottes, c'est fait pour, en fait, c'est fait pour détruire l'islam. Hein. C'est fait pour savoir le système d'organisation intérieure de ces communautés qui repose essentiellement sur des repères islamiques. Quoi. Donc ils se disent, on va tout foutre en l'air, on va mettre en avant des pétasses. Là, on a parlé de la Zineb, hein, de Charlie Hebdo, donc voilà, la traînée maghrébine qui rentre en guerre, une espèce de passionnariat anti-islamiste, enfin, qui est une créature intégrale des juifs. Et puis là, le travelo, et puis ils vont nous en sortir toute une série comme ça. Et là, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'ils découvrent qu'en fait, ils peuvent être travelo, adeptes de la sodomie à gogo. Ils n'aiment pas les juifs non plus. Alors, sauf qu'ils rampent, ils rampent. Mais c'est juste une question de pouvoir. Ils rampent maintenant. Et demain, voilà. Exactement. Les juifs sont mal engagés. Oui, plus personne ne peut les blairer. Hein. Non, mais en plus, c'est des manipulations qui sont grossières, je veux dire. Mais moi, il y a toute une série de gens comme ça. Je veux dire, là, j'ai parlé un petit peu. Zineb, comment elle s'appelle cette idiote là? Bon, moi, je goûte pas l'islam. Hein. C'est pas mon truc. J'aime pas les arabes non plus. Mais alors, voir l'arabe. Qui joue, l'assimilationnisme républicain féministe, mais moi, enfin, avec en arrière-fond et Golnadel et compagnie, je sature. Et ça, c'est sur les grandes gueules H24, quoi. Oui. C'est sur les grandes gueules. Je crois que c'est deux goy qui présentent, mais c'est intégralement juif, hein, les grandes gueules. Hein, eux, ils sont aux ordres de Tel Aviv. Hein, c'est incroyable. Et ça déroule, et ça déroule, et ça déroule, et ils vous mettent ça. Ils nous ont fait, rappelez-vous, c'est à l'occasion de l'attentat de Strasbourg là, qu'ils nous ont fait ce grand numéro avec cette traînée maghrébine. Là. Voilà. Ou alors, grande gueule, ils recrutent aussi des bouffes, comme ça, il y a Golnadel qui peut surnager intellectuellement, et tous les surclasser, parce qu'il y a des mecs qui sont là, ils comprennent rien. Il y en a un, c'est mon favori, là, c'est celui qui a la moustache. Alors, j'ai découvert qu'il était agriculteur, même. Je sais pas quand il bosse, parce qu'il est... Oui, l'agriculteur pro-Macron, c'est un concept. Hein. Oui, c'est un concept, c'est-à-dire que le type, en fait, ils se sont dit, putain, ils nous font un mec qui ressemble à Obélix, tu sais. pour bien appâter le, pour circonvenir le goy, tu sais, pour parce que c'est la, l'araignée juive a besoin d'attirer la les comment dirais-je les mouches en suspension quoi que vous êtes chers auditeurs. Enfin vous non parce que je pense qu'on a fait un bon travail de rééducation politique. Le type en question, il est rapidement anti gilet jaune quoi, c'est dès le départ. Voilà, mais là c'est louche. C'était populaire. Quoi, c'est horrible. Ouais, voilà. Alors tu entendais le cri de l'hébreu devant le mur de l'alimentation. Ouais, et alors il est là avec sa moustache, il est en surpoids, etc. Il dit, tiens, allez, là, j'imagine tout à fait la scène, quoi. T'as David, t'as David, Moïse, celui-là, il est bien, on va le faire, machin. Et puis là, ils le mettent à tourner tout seul sur les grandes gueules. Alors, ils le mettent en avant. Et là, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? Le mec compatissait avec les CRS. Bah oui. C'est-à-dire que l'autre avait perdu, vous savez, oui. Rodriguez, dont on reparlera, a perdu son œil. Enfin, il n'y a pas que lui, mais bon, c'est ça qui faisait la une. Et bon, il y avait quand même un sentiment d'empathie en disant putain, parce que surtout le sujet n'était pas violent, il n'était pas dans une scène où c'était violent. Bon, les mecs étaient là, oh, putain, c'est quand même un peu gonflé, voilà, là les flics ils en font trop, quoi. Bon, et lui, donc l'Obélix là, dont je soupçonne qu'il soit homosexuel, soi-disant, j'ai découvert qu'il était agriculteur et il était là, non, moi j'ai discuté avec le CRS, c'est des braves mecs. Bon, c'est. Ouais, il y a un agriculteur, il y a aussi un gars qui est soi-disant un fromager dans les deux chèvres, dans les deux sèvres. Peut-être aussi dans les deux chèvres. Il a dû faire le jeu de mots, c'est entre les deux sèvres. Et le mec, son nom de scène, c'est, peut-être que c'est son vrai nom, je sais pas, c'est Johnny Blanc. Alors, tu as Johnny, c'est le côté beau, Johnny Hallyday. Et Blanc, du fromage. C'est un blanc couche. Ouais, fromage blanc. Vous avez fait du fromage blanc, mais pas ouais. Blanc. En fait, il s'appelle peut-être Shlomo Cohen, je sais pas. Moi, ce qui m'a le plus traumatisé, je l'ai déjà dit dans l'émission, donc je le répète, bon, mais c'est le curé à Gaulle, le curé à col romain qui parle comme Besancenot. Ça m'a traumatisé totalement, ça. Oui. Voilà, ouais. Bon, on s'écarte un peu, mais bon, voilà, c'est toutes les créatures médiatiques de nos amis les Juifs. Donc la dernière en date, Bilal Hassani. Voilà. Bon. Ça serait marrant de savoir si comment il s'appelle. Le droitard de BFM TV, là, qui est de la même style. Oula, c'est lequel celui-là? Est-ce qu'il soutient Eric Brunet? Eric Brunet, ce serait marrant de savoir s'il soutient Bilal Hassani. Tiens, c'est RMC, Eric Brunet, c'est sur RMC qu'il est. RMC et BFM TV, là, c'est pareil. C'est la même boîte. Hein. Ancien militant du GUD à Nantes il y a 30 ans, 40 ans. Voilà, c'est le droitard. Ouais, il y a 40 ans, ouais. Ouais, ça fait partie de. C'était le cas aussi, on avait parlé de ce monsieur une fois, c'était Eric Raoult. On a appris qu'il avait une croix celtique dans sa jeunesse étudiante. Il fait partie des gens comme ça qui ont été à la gamelle. Ah bah, il a changé, hein, la croix celtique, il a changé pour une. Oui. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas payé. Hein. Ouais. Voilà pour notre ami Bilal Hassani. Donc, belle session d'autisme radical cette semaine, les gars. Sans transition, rubrique numéro 3. La gauchiasse de la semaine. Alors là, je. La sale gauchiasse. Alors oui, si tu me permets un truc, excuse-moi, ouais. Je te coupe. Vas-y. Parce que je voudrais revenir sur Bilal Hassani, parce que moi je le connaissais pas, donc bon, c'est une pédale et tout, mais je me suis forcé à écouter la chanson. Je sais pas si vous êtes infligé cette souffrance. Non. Ah non, non. Et ce qui m'a vraiment choqué, moi, là-dedans, c'est-à-dire, bon, quand tu le vois à l'Eurovision, tu vois clairement que le mec ne maîtrise pas le chant du tout, il ne sait pas chanter. C'est pas une catastrophe, mais bon, ça fait mal au cul. Donc tu dis qu'effectivement, déjà, même si tu mettais de côté le côté homosexuel et compagnie, déjà, un mec, tu passes de France Gall à Bilal, quoi. Tu vois le truc? Bon, pour être tout à fait méchant, je pense que ça fait ton sur ton avec France Gall, mais c'est juste personnel. Mais ces gens-là savaient chanter quand même à l'époque, tu vois. Oui, je te l'accorde. C'est ça que je voulais dire. C'était encore un concours de chant, effectivement. Voilà, on avait des gens qui savaient chanter. Là, c'est plus le cas. Donc effectivement, il y a qu'un message qui est strictement politique. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai écouté sa chanson, c'est le fait que elle soit pas si polémique que ça. C'est-à-dire que la chanson, c'est l'histoire de ce Bilal, là, depuis qu'il est gamin, ce qu'il est, machin, tout ça. Mais si tu écoutes les paroles et si tu analyses le tempo, le rythme, tout ça, tu dis que finalement, c'est juste la soupe populaire que tu peux entendre dans n'importe quel pays, en fait, et dans quasiment n'importe quel morceau de pop moderne, quoi. Et moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est-à-dire que finalement, on est passé de chanteurs, on va dire, qui avaient vraiment des qualités vocales, en fait, hein. Des Patachous, par exemple, avec des prestations scéniques très, très appréciables. Patachous, Brave Margot, c'est super. Jacques Brel, tout ça, bon, bref. A finalement toute une industrie de l'audio qui est de la musique qui n'est que de la soupe H24. Parce que honnêtement, moi je vois pas la différence entre une Miley Cyrus, une Beyoncé et un Bilal, quoi. C'est franchement, pour moi c'est la même merde. Bah c'est le même courant. Bon, il y a quand même une différence technique, hein. Bon voilà, bon, c'est pas évidemment la musique la musique nègre comme ce que tu as cité, Beyoncé, etc. Mais bon, techniquement, dans le genre, je veux dire, c'est quand même travaillé, si tu veux. Alors que l'autre, là, effectivement, pas. Mais tu disais, ouais, il n'y a plus besoin d'être chanteur. Bah non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'identité des protagonistes, ou plus ou moins leur appartenance, qui détermine en fait leur valeur. Précisément parce que ces groupes, ces tribus, en fait, se sont emparées du contrôle des médias. Donc, les Juifs forment une tribu, les PD forment une tribu, donc eux, ils s'en fichent, en fait, de savoir... Ce sont des gens, si tu veux, qui veulent s'assurer de leur contrôle sur la société, et qui, par ailleurs, d'ailleurs, ont besoin de détruire cette même société pour rester en position dominante. Donc, pour eux, si tu veux, c'est pas tellement important de savoir s'il sait chanter. Ce qui est important, c'est que ce soit l'un d'entre eux qui soit là où il est. Les Juifs font ça depuis très longtemps, enfin, c'est pas nouveau. Enfin, 95% des très grands artistes juifs sont en fait des boursouflures créées intégralement par la presse juive. C'est juste d'une. Ben, je prends un exemple usé jusqu'à la corde, mais c'est le cas de Bernard Henri Lévy, quoi. C'est un mec qui est dans tous les grands médias, on le présente comme un philosophe. Non, c'est juste un sale juif, quoi. Mais c'est tous les écrivains juifs, c'est comme ça, les Werber, etc. C'est de la merde, hein, juive intégrale, mais c'est promu à fond. Mais le concept est étendu à de nouvelles tribus. Et maintenant, de plus en plus, les PD. Enfin, les PD, les trans, les machins, les trucs comme ça. Voilà, parce qu'on veut juste qu'ils soient là. On s'en fout s'ils savent chanter, en fait. C'est même pas totalement secondaire. Puis bon, c'est pareil avec les nègres, voilà, quoi. Ils le disent d'ailleurs, on parlait de l'audiovisuel, hein, en première partie, là. Bah, ils disent bien, il faut des quotas de diversité sur la télévision française, il faut faire disparaître les blancs pour les... Bah, c'est ça qui compte, c'est pas de savoir s'il y a des bons acteurs, si... Non, ce qui les intéresse, eux, c'est d'être surreprésentés, parce que pour eux, ça atteste de leur pouvoir. Bien entendu. Bon. Et ce que je voulais en fait soulever, tout simplement, c'était le fait que s'insurger contre son homosexualité et le fait qu'un pays de blanc soit représenté par un bougnoul PD, c'est tout à fait légitime. En revanche, je pense qu'il est très important pour les gens de notre bord d'également nous insurger contre toute autre forme de soupe qui nous serait servie par une belle blonde à la Taylor Kitsch ou qui que ce soit d'autre, en fait. Parce que dans ces courants musicaux, il y a vraiment la perdition de ce qu'est être européen, en fait. Hein. Que ce soit de la musique strictement née ou non, il faut vraiment arrêter tout ça, quoi. Il faut revenir à des choses bien plus joviales, mais bien plus saines, en fait. Hein. Bah, ça se fera tout seul, mais il faudra d'abord purger les Juifs de l'appareil médiatique occidental. Il n'y a pas de mystère. Hein. Purgeons les Juifs. Ah oui, c'est... Non, mais vraiment, quoi. Je veux dire... comme les radiateurs. Ah oui, non, c'est... Mais vraiment, quoi. Et ensuite, la plante retrouvera son équilibre intérieur et commencera à refleurir, hein, automatiquement. Alors, les amis, je disais, donc, rubrique numéro 3. Salle gauchias de la semaine, c'est Carabinet. Ça se passe, si ma mémoire est exacte, dans l'Isère. À vérifier, je ne suis plus très sûr. Oui, dans la région de Grenoble, effectivement. Alors, un sans-papier sauve plusieurs vies à Autran en s'interposant lors d'une agression à l'arme blanche. Voilà, ça c'est le titre. Et vous allez découvrir progressivement la gauchias. C'est certain, il a sauvé des vies. La gendarmerie de Villars de Lens tient à souligner le courage exceptionnel de Mahmoud Diallo, qui n'a pas hésité à se sacrifier pour les autres. Je cite Ludovic Brassac, adjudant-chef en charge de l'affaire, qui n'en revient toujours pas, selon France Bleu. Mahmoud Diallo vient de Guinée-Conakry, il a 21 ans, est arrivé en France à l'été 2018, voilà, c'est récent. Il rencontre alors Stéphane Poul, son bienfaiteur, qui l'accueillera chez lui à Grenoble et lui permettra d'intégrer l'AFRAT, un centre de formation pour saisonniers à Autran, dans l'Isère. Donc, service, cuisine, accueil, après 3 mois de formation, l'AFRAT souhaite le garder à ses côtés et lui propose alors un stage pour la saison d'hiver, ne pouvant l'embaucher au vu de sa situation irrégulière. Mardi, en début de soirée, Mahmoud Diallo travaille en cuisine lorsqu'il entend un cri dans le couloir. Il sort, trouve une collègue à terre, en sang, blessée au visage par une scie viande. Il voit l'agresseur revenir, cette fois avec un grand couteau de boucher, déterminé à tuer. C'est le cuisinier, un homme d'une 40aine d'années qui a été engagé 1 mois plus tôt. Les quelques stagiaires du centre de formation situé au milieu des pistes de ski étaient en train de dîner dans une pièce juste à côté à ce moment-là. Ils sont paralysés par la peur. Mahmoud Diallo ne réfléchit pas et attrape l'agresseur qui tient encore le couteau. Seul dans les cuisines, le jeune sans-abri fait alors barrage de son corps lorsque le cuisinier essaye de forcer la porte avec un chariot. Presque par miracle, il arrive à trouver les mots pour le calmer et même pour qu'il se remette au travail. Les deux hommes vont alors cuisiner une 20aine de minutes jusqu'à l'arrivée des gendarmes. La victime a été hospitalisée avec une blessure importante au visage et a reçu plusieurs points de suture. Quant à l'agresseur, le médecin qui l'a examiné a conclu qu'il fallait l'interner. Il a donc été placé en hôpital psychiatrique en attendant de pouvoir être auditionné. Ludovic Brassac, adjudant-chef en charge de l'affaire, a fait remonter l'histoire à la préfecture pour tenter de faciliter l'obtention du permis de séjour de Mahmoud Diallo. Il tient à souligner le fait que c'est un petit gabarit, contrairement à l'agresseur, et qui s'est imposé par son courage et ses mots, et non par son physique. Je cite l'adjudant, « Je veux que tout le monde sache qui il est. Quelqu'un qui travaille dur, qui est respectueux, motivé, et une belle personne. Il mérite le même traitement que ce jeune sans-papier malien qui a escaladé des balcons pour sauver un enfant. C'est clairement un acte héroïque, très rare. » De nos jours. Alors, il fait bien évidemment mention de Mamadou Gassama. Gassama, c'est ça. Voilà. C'est la jurisprudence. Voilà, la jurisprudence. Les nègres magiques, la France a besoin de super-héros nègres. Voilà. Il faut qu'ils soient français à tout prix. Voilà, les nègres qui nous sauvent des nègres. Voilà, c'est très important. Alors, je vous laisse réagir. Derek, peut-être en premier lieu. Oui, je continue. Voilà, petite précision quand même. Vous avez remarqué que l'agresseur a été foutu à un hôpital psychiatrique qu'il utilisait un couteau. Hein. Contre une femme. Ces deux éléments-là, voilà, contre une femme. Donc, ces troisième élément-là, à coup sûr, il y avait un outil qui s'appelait le diversomètre hein, à l'époque pour les plus vieux. Ça c'est du bougnoule hein, clairement. Ça ne peut pas être autre chose. Tous les éléments sont là. Couteau. Je pense pour l'Algérien personnellement. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Et l'hôpital psychiatrique. Donc c'est la petite touche hôpital psychiatrique, consanguinité. Voilà, L'arbre généalogique qui est une tresse depuis 700 ans à peu près. ça vous fait ce genre de truc. Donc les nègres empêchent nos bougnoules de tuer leur pute. Et alors le gendarme arrive là-dessus et il faut français. Hein, sancto subito, c'est français maintenant, quoi. C'est pareil. Hein. Oui, parce que alors là, on a bien, en plus, c'est précisé quoi. Le centre de formation en question recrute, alors non pas des immigrés, c'est des clandestins carrément. Là, c'est l'autre, il a pas de papier ni rien, il bosse chez eux. Donc ça veut dire que si lui, il est clandestin et il bosse dans ce centre de formation, bon, ça laisse supposer qu'en fait. Parce que c'est ça le fond de l'affaire, ils font bosser des clandos pour prendre derrière du pognon, hein, faut être clair. Hein. Et donc, ils font venir là tout ce qu'ils peuvent trouver, et dont le fameux client, hein, l'agresseur, dont on nous dit qu'il est là depuis 1 mois seulement. Hein. Eh oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il était là de fraîche date, quoi, hein, exactement comme l'autre. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le centre de formation, donc c'est un truc. C'est un truc fait pour intégrer les métèques, en fait. C'est pour les former. C'est les pompes à métèques, c'est les pompes à nègres, ça. C'est tout ce qu'on voit dans les départements qui se mobilisent pour les accueillir, leur offrir des stages de formation, des trucs, des machins. C'est tous ces trucs-là qu'on voit, c'est payé sur le denier du contribuable, tout ça. Ah bah oui, et puis grassement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des contrats là-dessus. Tu as des associations qui se battent pour avoir des contrats de nègres. Hein, c'est comme les, c'est les marchés publics, mais avec les nègres. Ouais. Voilà, ouais. Alors bon, l'adjudant, Bressac, on nous dit... Alors... Ce n'est clairement pas quelqu'un qui vote Front National. Hein, je... Oula, non, non. Alors, les forces de l'ordre c'est un homme qui fleure le sud-ouest. Alors, il serait... Je sais pas. Ouais. J'ai du mal, moi, c'est très dur. Hein. J'ai beaucoup de mal. Bressac. Ah là là, tu sais, le type, il fait le dossier et tout pour envoyer au préfet. Celui-là, il nous le faut, hein. Mais, du genre, en France, on renvoie les clandestins. On n'a pas assez de nègres, tu vois. Non, mais déjà, on les renvoie. Parce que ça n'existe pas en France, les clandos sont jamais virés. Non, mais quand même, la lettre... Alors, monsieur le préfet, voilà, j'ai trouvé un nègre de première qualité. Voilà. C'est-à-dire que le type n'a que ça. Un nègre de toute fraîcheur. Oui, moi, j'ai un truc à dire. J'aimerais bien qu'on m'envoie ma carte de comment on dit en français, putain, ma carte de membership. Non, ma carte de membre. Voilà, ma carte de membre d'appartenance au privilège blanc en fait, parce que je l'attends toujours ma carte de membre. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, bon, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai sauvé pas mal de gens qui se faisaient agresser dans la rue par des noirs ou des bougnoules. Puis c'est marrant. Moi, j'ai jamais eu droit au tapis rouge, en fait. Hein. Y a des gens que j'ai sauvés, ils seraient morts aujourd'hui. Mais vraiment, quoi. Pourtant, la seule chose que j'ai eue, c'est un coup offert par le trio de mecs à qui j'avais récupéré le téléphone portable volé. Ça, c'était un petit truc. Mais sinon, pour le reste, rien. Donc, j'ai envie de dire, il paraît que les Blancs, on est privilégiés. D'accord. Elle est où mon invitation à l'Elysée? Je sais pas. Alors, il y a un privilège halogène, hein, privilège nègre, privilège bougnoule, privilège islamique et tout. Mais le plus important privilège, c'est le privilège juif. C'est celui qui est central en France. Hein. Typiquement, on a vu des réactions complètement hystériques à de très nombreuses reprises. Voilà, un juif qui crie à l'antisémitisme. Arknoll, etc., des affaires complètement bidons qui sont pas du tout antisémites, hop, ça y est, ça mobilise l'État entier. Enfin, voilà, ça, c'est du vrai privilège. C'est là que vous voyez le privilège en action, si vous voulez. Quand vous voyez un juif qui s'est cassé un ongle hurler à la mort, etc., vous voyez le président de la République à courir, voilà, ça, c'est un vrai privilège. C'est un privilège de caste. Voilà, c'est le privilège hébraïque. Ça, c'est réel, c'est tangible, ça existe. Bon. Plus bas, évidemment, vous avez la jurisprudence Mamadou Gassama, effectivement, bon... Voilà, maintenant, faut régulariser du nègre à tour de bras. Donc là, pareil, il est reçu le président de la République. Il y a des gens en France très nombreux, hein, c'est l'écrasante majorité, c'est des gens qui ne verront jamais un chef de l'État de leur vie. Ils verront jamais, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est des gens qui ont vécu ou qui vivront 80 ans, ils verront jamais un chef de l'État en chair et en os devant eux, d'accord? Bah, Mamadou Gassama... Et quantité d'autres nègres, parce qu'il n'y a même pas besoin d'en faire autant pour être accueilli à bras ouverts par les présidents de la République, par des ministres, des préfets, etc. Là, c'est tapis rouge. Mais le petit blanc qui bosse, qui se fait chier, qui cotise, qui paye par là où il doit passer, celui-là, il n'existe pas, il est transparent. Oui, mais même toujours... le petit blanc qui est héroïque, parce qu'il ne faut pas croire, ah oui, petits blancs qui s'interposent, qui sauvent des gens, il y en a d'ailleurs qui s'interposent et qui le paient de leur vie, hein, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps dans les news. Eux, il n'y aura jamais personne pour eux, hein, parce qu'on est blanc. Donc pour nous, il y a un truc aussi qui est... Je veux dire, quelque part, l'héroïsme, le fait d'être performant, le fait d'être bon, on va dire, en général, c'est comme si c'est normal pour les Blancs, tu vois. Il n'y a pas besoin d'en parler, parce que finalement, c'est quelque chose qui est... Parce qu'il faut le souligner aussi. C'est quelque chose qui est naturel, on va dire. Hein. Mais en revanche, quand tu as un héros qui le fait, là, c'est magique. En revanche, là, il sort du lot. Et ça, pour plusieurs raisons. Parce que comme tu dis, il y a un privilège juif qui fait que forcément, pour nous la mettre, il faut nous rabaisser, comme disait Derrick, il faut nous humilier et il faut faire remonter les autres. Mais il y a peut-être aussi quelque chose derrière, c'est que... Quelque part, est-ce que ces gens-là ne seraient pas aussi des racistes? Dans le sens où finalement, lorsqu'un nègre sort du lot, ils sont obligés de le faire sortir du lot pour nous dire que, ah oui, mais regardez, finalement, ils sont pas tous si mauvais que ça, c'est pas tous des tripes, il y en a quelques-uns. Et en fait, derrière, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la majorité des nègres, c'est de la merde, quoi. Exactement. Nous, on le sait, hein, on le sait, on est... Non mais c'est ça, c'est l'aveu en négatif, c'est-à-dire à leur corps défendant, ils avouent que les nègres c'est de la merde, ils sont obligés d'essayer de sortir des nègres magiques pour donner le change, mais exactement, c'est un aveu inconscient de leur part, absolument, bien sûr. Tout à fait. J'ai une interrogation moi quand même sur, par rapport à ce cas-là, de manière plus générale, sur l'utilité des forces de l'ordre. Ah oui. Enfin, j'arrive pas. Peut-être qu'on peut expliquer, hein, mais je ne comprends pas l'utilité. À quoi ça sert ces trucs Moi, j'en arrive à considérer que ça sert franchement à rien. Ouais, c'est-à-dire que ça tient le régime dans les manifestations. Ça va faire des lettres pour sauver des nègres. Ça n'expulse rien parce que bon, en fait. Oui, ah non, oui. On n'expulse rien. Quand ça bouffe du pognon pour faire des enquêtes de ci, de là, des machins, avec des dizaines de personnes pour choper un gars, les types sont relâchés, donc ça sert à rien. Sauf quand il a écrit quelque chose de raciste ou d'antisémite sur Internet. Si tu as dit Anne-Sophie Leclerc hein, qui avait posté une photo avec deux singes hein, fait une comparaison de deux singes, c'est fait condamner pour ça. Bon, là les flics sont là pour venir chez toi te faire une perquisition. Là voilà, ils font leur truc. Ils sont là aussi dans les. J'ai dit racket routier. J'ai dit racket routier. Oui, le racket routier. Hein, ils sont là. Ils viennent te faire chier devant. Tu tiens. Alors putain, j'ai failli en écraser l'autre jour en moto en double fil. Bon, tu doubles en moto. Le type s'est pris pour Robocop. Il s'est foutu devant moi. Qu'est-ce que c'est hein, votre palais. Enfin, un truc de dingue quoi. Hein. Tu as les flics qui, à l'époque, hein, quand les bougnoules faisaient n'importe quoi dans la région marseillaise et que bon, il y en avait certains qui disparaissaient, on ne sait où, ben là, les flics se sont réveillés, hein, sont venus mettre de l'ordre pour qu'on ne touche pas aux bougnoules, hein, parce que voilà, c'est gentil. Voilà, ouais. À part ça, voilà, ils vont se faire cogner par les Arabes et ils cognent sur les Blancs quand on leur donne l'occasion. Les flics, enfin, je sais pas, ça ne sert à rien. À part nous empêcher de nous défendre faire en sorte que les Arabes, de temps en temps, on les met à l'hôtel. Hein, l'hôtel, ça s'appelle la prison. Hein, ils peuvent jouer à la PlayStation. Et puis après, ils ressortent et puis ils font leur truc. Et ça, ils justifient leur existence sur la serre comme ça. Enfin, je suis désolé, les flics ne servent à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je veux dire que c'est faux. Parce que les forces de l'ordre, ça ne nous sert à rien. Oui, voilà. En revanche, juifs, voilà quoi. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais j'entends bien ce que tu dis, mais effectivement, de notre point de vue, nous n'avons aucune amélioration, aucun bienfait. Voilà, nous n'avons rien à tirer je vais pas parler de ma vie, mais franchement, alors outre, je passe sur tout ce qui peut être politique, mais au quotidien, moi, la seule fois où j'ai vu des flics tout au long de ma vie, c'était pour contrôler les gens au bord de la route, c'est-à-dire pour faire chier les gens. Je suis jamais tombé sur une situation, vraiment, hein, de mémoire, où les mecs ont été objectivement utiles. Je veux dire, où tu te dis super. Putain, les flics arrivent, quoi, tu vois. Alors, ça a dû arriver une fois de temps en temps, je sais, des trucs un peu exceptionnels, genre un braquage, ouais, des trucs comme ça, quoi. Mais, je veux dire, au quotidien, pour le quidam blanc, hein, je précise bien, franchement, non, c'est juste, terroriser les gens au bord des routes. Moi, c'est le... Puis alors, aimable, hein. Oh là là, c'est... Ah bah, bon, pas insultant, je dis pas qu'ils sont insultants. Mais bon, il y a un mur, quoi, c'est flagrant. Moi, je suis plutôt partisan, parce que c'est ce que je fais le même constat que d'Eric, moi, je suis partisan des milices d'autodéfense, moi. Ouais. Populaire, hein, je veux dire, sanctionné par l'État. Attention, je précise ma pensée. C'est-à-dire d'une refonte totale, où en fait, on a des milices, Voilà, c'est-à-dire populaire. Que nous n'appelons pas à prendre les armes, on n'est pas. Non. C'est pas ce que je dis. C'est une réorganisation. Un système de gestion voilà. De l'ordre qui serait effectivement. Voilà, complètement réorganisé et où la police serait assurée par des milices populaires. Alors tout ça. Qu'on appellerait des corps francs, par exemple. Voilà. Et les choses changeraient très, très, très vite. Faites-moi confiance. Voilà. Et en fait, on se rend compte que la police est un énorme frein pour la population autochtone quant à la défense de ses intérêts. Je te donne la parole maintenant, Captain. Désolé. Pas de souci. En fait, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, blague à part, les forces de l'ordre, dans pas mal de situations, ont été assez utiles à des gens autour de moi ou m'ont été utiles. Mais. Elles n'ont pas fait plus que moi j'aurais pu faire si j'avais été, non pas assermenté, mais tout simplement équipé pour gérer les situations, tu vois. Et c'est, en fait, j'en viens à la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des milices d'autodéfense, ou alors, tout simplement, les gens sont de véritables citoyens, c'est-à-dire que, comme aux USA, ils ont le droit d'être armés, ils ont le droit de protéger leur vie ou celle des gens autour d'eux, finalement, la police, elle sert après à faire des constats. Par exemple, à faire une enquête, voilà, à constater que tel citoyen a abattu tel autre parce que tel machin voulait braquer un bar. De l'enquête, il sera assermenté, quoi, voilà. Voilà. Alors que, et ça, c'est vraiment, bon, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment une conception du citoyen qui est bien différente. C'est-à-dire qu'aux USA, les gens sont responsables, ils sont citoyens. En France, les gens sont des contribuables, c'est tout. Oui, bien sûr. Oui, ils sont de plus en plus des, comment dire, partie d'un grand système, alors qu'il s'appelle la République, mais ça aurait pu s'appeler l'Union soviétique. Hein. Oui, c'est ça, c'est un système soviétique, hein. Ni plus ni moins, hein. La France est un système soviétique. Hein. Les gens peuvent se récrier, etc. Non, c'est un système soviétique. Alors, c'est tout. Hein. On va dire que c'est l'aile libérale du soviétisme, voilà. Quand je dis libéral, c'est pas économique. Hein. Je veux dire, c'est au sens. Au sens de l'anus. Voilà, c'est un peu. Les libertaires de l'Union soviétique, si vous voulez. Voilà, c'est ça la France. C'est le foutoir dans les rues, hein, effectivement. Bon, les bougnoules font ce qu'ils veulent. Ça pille dans tous les sens, etc. Bon, voilà. Mais par contre, toujours la même cible. Hein, voilà. Les populations blanches. De la classe moyenne qui travaille, qui paye leurs impôts, qui respectent les règles. Alors elles sont harcelées par toutes ces structures étatiques et para-étatiques, pendant que tous les parasites font la fête avec l'argent, des victimes précitées. Quoi, voilà. Ça se tient. La connivence des parasites. Voilà. Avec le parasite en chef, qui est le chef d'orchestre que vous connaissez tous, qui est baptisé au sécateur. Donc, oui. Je profite de l'occasion. Tu parles de ça, de la conjuration des parasites, mais on en avait parlé il y a quelque temps. Macron nous a défini qui était l'ennemi, les homosexuels, les journalistes, oui. Les forces de l'ordre, les élus, les juifs et les juifs. Ouais, il avait, c'était ça. C'était, oui, il avait dit aussi. Il avait dit les étrangers. Les étrangers. Non, voilà. c'était des pareils, migrants, étrangers. Donc, mais étrangers, homosexuels, juifs, forces de l'ordre, élus et journalistes. Journaliste, ouais. T'avais parlé, le pentacle. Ouais, le pentacle. Ouais, mais bien peut-être 6, je sais plus. Enfin, pour avoir. L'hexagone démoniaque. Ça fait une étoile de David. Non, mais enfin, c'est. les États confédérés de l'anti-France sont là. Si tu veux, Macron nous a dit quelles étaient, les forces qui sont objectivement contre nous. Ouais. Alors ouais, c'est vrai. C'est... Et là, les flics, bon, excusez-moi, mais moi, j'en peux plus. Quoi, j'en peux plus. J'étais là, bon. Avant, j'ai jamais été trop pour flic, mais alors bon, là, depuis plusieurs mois, et là, voir l'autre qui va faire des lettres au préfet, non pas pour dénoncer un nègre, mais pour dire qu'il doit être français, alors ça me sort des yeux. Quoi. Il aurait fait une lettre pour dire attention, il y aurait eu une enquête interne. Pour attention, dans ce centre de formation-là, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas de papier. Je porte ça à votre attention, monsieur le préfet, hein. Monsieur le préfet Papon. Hallucinant. Je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Thank you. Nous revoici pour la deuxième partie d'émission de Démocratie Participative du rubrique numéro 4. Les sales boumeuses de la semaine. Alors vous allez voir qu'en fait il va y en avoir encore un davantage après, mais bon, on commence là-dessus. Ça se passe en Bretagne. C'est le journal Le Télégramme qui nous relate cette affaire. Ça se passe à Douarnenez, donc dans le Finistère, un port de pêche assez connu. Et là, vous allez sentir les vents, bien sûr marins, mais le vent de la celtitude, hein, là, le souffle très fort. Ça commence comme ceci. Les cours d'arabe proposés par Livret, donc une librairie, ont fait se déplacer les douarnenistes. Une quarantaine de personnes se sont présentées à la librairie samedi pour assister à la réunion d'information. Ouah ! Une future élève ne peut réprimer un cri enthousiaste devant la salle pleine à craquer. C'est là que se déroule la réunion d'information, donc sur le cours d'arabe proposé par la librairie Livret. Même réaction de surprise, quelques minutes plus tôt, pour le libraire Ali Saad, à l'initiative de ce cours de langue arabe. On ne s'attendait pas à ça. Il y a déjà une quarantaine d'inscrits, on va être obligé de faire trois groupes, précise-t-il. Dans sa librairie, Livret, on vient encore s'inscrire, juste avant que le professeur ne présente sa méthode pédagogique. Ali Saad se dit ému et heureux de voir que la langue de son pays d'origine suscite autant d'intérêt. Chacun a une bonne raison de vouloir s'inscrire. Corinne Leprévier parle un peu le darija, langue dialectale employée dans la rue, un mélange d'amazigh et d'arabe, donc de berbère et d'arabe. Elle souhaite maintenant se perfectionner en langue arabe, je cite cette femme. J'ai toujours aimé cette langue, dit-elle. D'autres viennent en prévision de futurs voyages, comme Martine, qui veut apprendre à parler la langue avant d'aller en Algérie. Pas à cause du festival de cinéma, non, donc il y a lieu à Douarnenez. Hein. Non, le Maghreb, cela m'intéresse, de par l'histoire commune, l'histoire douloureuse que nous avons. C'est un rêve et j'aime bien réaliser mes rêves. Anne, pour sa part, veut reprendre l'arabe littéral qu'elle a déjà commencé à étudier après avoir voyagé en Tunisie. J'étais énervée de ne pas comprendre, dit-elle. Et puis, apprendre différentes langues structure les gens. L'arrangement des phrases structure le raisonnement et une façon de voir la vie. Voilà, alors il faut voir la photographie, je précise. Hein. Moyenne d'âge des 40... alors donc il y a deux hommes et 38 femelles, voilà. Moyenne d'âge, allez, je suis gentil, 65 ans. Hein. 65 ans, voilà. En gros, c'est ça. Et il y a aussi un gros problème au niveau de l'IMC, tu vois. Oui. C'est gras, c'est très gras tout ça. Hein. Voilà, ça se nourrit pas forcément très bien. De la vieille boumeuse bien grasse. Voilà, et... probablement la fonction publique. Alors, qui veut prendre la parole sur, comment dirais-je, cette appétence-là pour cette très belle langue qui est donc la langue arabe, hein, dont on connaît tous, maintenant on est familier, hein, Allah Akbar, des trucs comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit, hein, Et puis pourquoi autant de femmes? C'est bizarre. Non, oui, c'est étrange. Hein. À Douarnenez. Il faut y avoir été à Douarnenez, hein, je vous assure. Hein. Il faut quand même y avoir été. Hein. Donc, ouais, tu peux nous en dire. Attendez. Je vais donner la parole à Alexis. Il y a peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Ouais, les gens qui partent en vacances sur la côte connaissent un peu cette ville, ville rouge, hein, ville de sardines, là, dépassé, avec on pêche la sardine. Alors là, on a un joli banc de sardines aussi. Donc c'est des gens. J'aurais dit que c'était de la morue, moi, mais bon. Ouais. Des femmes de 70 ans. Alors c'est sans doute des femmes qui ont été en contact avec leur langue. La langue de leurs ancêtres, le breton. Mais est-ce que ce sont des femmes qui ont voulu le parler, continuer à le parler, le transmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants? Dans la plupart des cas, je ne crois pas. Mais par contre, l'arabe littéral, le darija, c'est très très intéressant. Pour montrer l'utilité de l'arabe et l'inutilité, même d'un point de vue pratique, de l'arabe, c'est un arabe lui-même qui le dit très bien, c'est Aldosteron, le youtubeur assez célèbre. Il avait dit « ça vous servira rigoureusement à rien, il y a très peu d'échanges commerciaux avec les pays arabes, et même quand les échanges commerciaux ne se font pas nécessairement dans la langue arabe ». Et puis d'autre part, il fait partie des gens qui ont expliqué que l'enseignement de l'arabe en France, c'était l'enseignement quasi religieux, puisque la plupart des textes en arabe ont trait au Coran, ont trait au Hadith et compagnie, et que la plupart des gens qui seraient amenés à enseigner l'arabe, déjà, on n'avait aucune information sur eux, et que pour beaucoup, c'est des gens qui sont payés par des organisations de type les Frères musulmans et autres, et qui, à un moment ou à un autre, dans la grande majorité des cas, probablement serait amené à faire du prosélytisme religieux vis-à-vis des élèves. Alors, je ne sais pas si là, on va transformer nos douarnenistes de 70 ans en femmes à même de se suicider, mais je ne crois pas, mais bon... Elles ont l'air d'être... Bon, déjà, moi, je vous le dis, le truc est clairement... Enfin, le non-dit dans tout ça, c'est clairement motivé par le sexe. Hein. C'est très clair. Hein. C'est, alors, elle dit, oui, voilà, j'ai envie de découvrir des pays. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Découvrir une langue, c'est fait pour parler. Bon, une femelle qui veut aller en Algérie, c'est pourquoi? Pour parler avec des Algériennes? Bon, qu'on arrête de se foutre de nous. L'arabe littéral, c'est pour parler avec des gens locaux ou plutôt pour... pour apprendre à réciter le Coran. C'est plutôt pour ça, parce que ça n'est parlé nulle part, hein, l'arabe littéral. Hein, c'est, Non, mais pourquoi je dis que c'est implicitement sexuel? C'est le déséquilibre du public le démontre. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? C'est, je vais expliquer c'est un même peu pas sexuel, pensée. C'est-à-dire qu'elles veulent la charia. Voilà. Elles veulent la charia marron. Oui, enfin, elles veulent le chibre maghrébin, clairement. Donc ces vieilles peaux défraîchies qui n'arrivent plus vraiment à être excitées, veulent du mal pour les souquer, alors que toutes ces putes sont des féministes de machin. Et elles vont dans les pires bleds, les plus, comment dirais-je, les plus brutaux avec leurs femelles, hein, selon les normes islamiques. Et ça les botte beaucoup. Et pourquoi je dis c'est sexuel? C'est parce que si c'était pas sexuel, ça serait 50-50. D'accord? Et on voit bien que les mecs, je veux dire, on voit bien que, enfin, un public masculin, s'il veut aller baiser, il va se mettre à apprendre le thaïlandais, on est tous d'accord quand même, ou l'ukrainien, ça va plutôt, on va plutôt aller vers ça, on est quand même d'accord. Les hommes savent très bien que c'est pas en Algérie qu'on va pêcher des femmes. Alors je ne dis pas qu'il y a jamais de mecs désespérés qui se mettent à choper de l'algérienne, mais ça se passe en France, dans un contexte complètement différent, quoi. C'est-à-dire que le type survit dans une banlieue bougnoulisée, il finit avec une karima, enfin bon, vous imaginez le truc, quoi. Mais il va certainement pas aller en Algérie religieusement, essayer de découvrir la culture algérienne. Alors moi, je savais même pas que ça existait, la culture algérienne, quoi. Voilà, ils le disent eux-mêmes, hein. Il y a pas de langue, en fait. Il y a pas de langue algérienne. C'est un mélange de dialectes, il y a du berbère, du français, du tout. Enfin, c'est, voilà, on apprend pas l'arabe. Les mecs parlent arabe, mélange d'arabe et de berbère, et puis d'un coup, sécurité français, sociale, tu vois. Bon, voilà, c'est ça. Oui, allocation, c'est allocation, ils doivent pas y avoir traduction. C'est, ouais. CAF. Voilà. Mais on voit bien le truc ressort, quoi. C'est les voyages. J'ai été en Tunisie avant, voilà, et j'ai pas compris les gens, ça m'énervait. Bon, pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce que ça te... Donc tu... Voilà, bon, tu sens qu'ils veulent y aller, quoi. Enfin, ces femelles veulent aller là-bas. Et je ne m'imagine pas que ce soit bon. Ça sent quand même tout ça, voilà. Ça sent. Et je le dis, on le répète, Alexis l'a bien souligné, c'est un bled rouge historiquement. C'est la première commune hexagonale qui a élu un maire communiste. Sachez-le. Ah oui, ce sont des intégristes donc. Ce sont des rouges. Non, c'est une ville de rouges, hein, faut le savoir. Alors, ça a changé entre-temps, enfin, à peine, parce que le sénateur de droite est un antifasciste notoire, donc pour bon, ce que vous appelez sénateur de droite, c'est l'aile droite du Parti communiste, quoi, si vous voulez. Et, comment dirais-je, là-dedans, il y a un hôpital à Douarnenez, entre autres. Alors, il faut bien... Pourquoi je précise ça? Parce que cet hôpital est évidemment un bunker rempli de membres du NKVD. Ce sont des rouges. Mais quand je dis qu'ils sont rouges, ils sont rouges, quoi, hein. Et il y a une attirance naturelle vers l'islam. Et les pieux musulmans. Hein. Pas les musulmanes, eux. Hein. Vers l'islam et les guerriers d'Allah. Voilà. Alors, ayant précisé tout ce que j'ai précisé, si maintenant vous voulez prendre la parole, rajouter quelque chose sur les bretonnes en chaleur de 70 ans. C'est vrai qu'il y a deux couillons qui sont perdus parmi toutes les femelles en chaleur, là. Hein. Mais moi, je remarque qu'un des deux couillons a une curieuse coiffure qui fait penser que c'est un musulman, ça c'est un. Quant à l'autre, c'est peut-être un PD non plus. Il va peut-être pour la même raison que les pétasses dans la Réunion. Non, mais c'est facile, puis elles ont la bobine, enfin, elles sont souriantes, elles sont extatiques, quoi. Mais c'est bien dit aussi, là, le fait qu'elles... Ouais, elles profitent de la retraite qu'elles ont méritée, hein. Il faut dire que beaucoup, ils méritent. Alors, le problème, c'est que... Alors, on voit que ce sont des femmes, pour des raisons évidentes. Malheureusement, et c'est bien dommage que cette république soviétique n'ait pas réussi cette prouesse, c'est qu'on ne voit pas leur qualité de fonctionnaire en retraite apparaître sur leur gueule. C'est bien dommage, parce que ça aurait confirmé un peu plus l'origine de cette crasse, quand même. Hein. Parce que là-dedans... Je suis absolument pas d'accord avec toi. Ah. Une fonctionnaire en retraite se reconnaît même en retraite. Non, c'est totalement faux ce que tu dis. Oui, non, mais un peu plus, un peu plus visuel, quoi. Ah non, là, je te garantis qu'il n'y en a pas une qui a été dans les usines de transformation de la ville pour mettre des sardines en conserve. Hein. Ça, c'est clair. Ça, je viens de te l'accorder. Et encore... Voilà. Non, mais alors, alors du coup, on peut peut-être élargir. Les Bretons qui écartent devant les Nègres, ça inclut aussi les Arabes. Hein, ça inclut aussi les Arabes. Oui, les Nègres des Sables. Oui. Voilà, les Nègres des Sables, les Nègres du Maghreb. Ça les inclut. Hein. Et se faire enseigner par... enseigner par des... ouais. Ouais, justement, c'est un paradoxe. C'est pas certain. Le continent où il y a le moins de gens qui savent lire, bien sûr, où il y a le plus de d'illettrisme, évidemment, c'est le continent africain, mais de très loin. Et puis même au Maghreb, les gens savent un peu plus lire qu'au Niger ou en Mauritanie, mais il n'empêche qu'il y a quand même... il y a bien une personne sur cinq, d'après les statistiques, environ au Maroc et autres, qui ne savent pas lire. Hein. C'est quand même quelque chose d'important, parce que dans les familles musulmanes, souvent, il n'y a qu'un livre, c'est le Coran. Il n'y a que ça, donc nous, en Europe, on aime bien lire. Et donc là, maintenant, on est allé tellement loin dans le progrès que nos professeurs, ce sont des professeurs de je ne sais pas trop où, de Tunisie et autres, qui vont nous apprendre la vie, enfin, ou en tout cas à nos vieilles tantes. Oui, alors le côté positif, c'est que l'essentiel de ce public-là n'est plus en âge de procréer. Par contre, elles sont certainement en âge de contracter des mariages blancs. comme tu l'as bien dit, la langue bretonne, ça les intéresse pas. Hein, la culture bretonne, la culture celtique de la Bretagne, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'Orient, hein, bien sûr. L'Orient, pas la ville de l'Orient. Hein, c'est l'Orient au sens large. On voit qu'il y a une vraie. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'hypocrisie de ces femelles ménopausées. Prétendument féministe, castratrice avec les hommes blancs, voire franchement un vrai poison. Ça n'existe plus. Elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent, etc. Elles sont frustrées, elles ont pas le mal. Elles sont prêtes à aller en Afrique du Nord. Hein, voilà. Alors, soit d'y aller, comme elles le disent, ou de les accueillir en parlant leur langue. Hein, parce que ça se passe pas n'importe où, ça. Ça se passe dans une librairie dont j'ai su, parce qu'il y a un commentateur qui nous a expliqué ça, que le fameux Ali Saad a travaillé très longtemps sur les plateaux de télévision à Paris pour le compte des Juifs. Il a agi là-bas. Et comme il a dit, le commentateur le disait, l'intéressé était très très très obséquieux avec les Juifs. Hein. Donc ça se passe dans une librairie tenue par un arabe. Donc toutes ces vieilles peaux qui radinent ne s'arrêtent pas là par hasard. Hein. Bon. Je vous propose, avant d'entamer la discussion de la semaine, de faire un arrêt très très bref sur un sale juif, mais que je déteste ce juif, d'où mon insistance, parce que j'ai été étonné d'avoir un Derrick à la limite de vouloir imiter Oscar Schindler. Hein. Je vous le dis tout de suite, il a plaidé pour qu'on épargne ce sale juif, non pas tellement par empathie, mais il a dit non... manque d'inspiration. Voilà. Et puis j'ai dit, attends, tu n'as pas regardé l'œil de l'intéressé, regarde la couleur pâle, avec le nez crochu. C'est vrai que le fond de l'œil est particulièrement vitreux. Voilà, c'est ça, le teint pâle, la lèvre inférieure, le front fuyant. La babine du crapaud. Hein. Voilà. Non, bon. Et voilà. Et alors, bon, j'ai réveillé un petit peu le... Voilà. Et Derrick a repris du poil de la bête. Alors, comment dirais-je ? Alors, Gad Elmaleh s'est fait gauler, parce qu'on sait de lui dont on parle. Hein, fait gauler. Voilà. Le crapaud juif de la semaine, c'est Gad Elmaleh, qui s'est fait gauler en train, en fait, de copier, de plagier des humoristes nord-américain, hein, voilà. Et comment dirais-je, alors c'est la chaîne YouTube Copy Comics. Ça s'appelle Copy Comics, C-O-P-Y. Comic C-O-M-I-C. Il n'y a pas de S, désolé-moi. Excusez-moi. La chaîne Copy Comics. Vous pouvez trouver en fait. C'est mis en regard en fait. Vous avez la performance entre guillemets artistique entre guillemets de Gad Elmaleh entre parenthèses et de l'autre vous avez en fait la source originale en fait. Et c'est abusé comment le type a tout pompé et en plus pas les meilleures parties. Mais bon, c'est un fait. Réaction d'un cabaret québécois où se produisait ce sale juif du Maroc encore. Encore le Maghreb, décidément, ils nous exportent les meilleures choses. Je cite, c'est dans l'essentiel.lu. La chaîne YouTube Copy Comics a publié lundi dernier une vidéo accusant de plagiat Gad Elmaleh. Par ce montage, le créateur de la chaîne, connu sous le nom de Ben, accuse l'humoriste de 47 ans d'emprunter des idées à de nombreux rois du stand-up, dont les Américains George Carlin, Stephen Wright ou encore Danny Boone, et même Dieudonné. Et même Dieudonné, hein, notez bien. Hein. En réaction, le Bordel Comedy Club à Montréal, au Canada, a décidé de le bannir de son établissement. Il ne reviendra plus, il ne peut plus jouer au Bordel Comedy Club pour protéger les autres humoristes, indique l'humoriste et co-fondateur du Bordel Comedy Club, Charles Duchamp, à Radio-Canada. Gad Elmaleh n'est pas au bout de ses ennuis, puisque Ben, le créateur de la chaîne Copy Comics, a promis de diffuser lundi une deuxième vidéo. La suite arrive. Alors, bon, on va pas y passer 1000 ans hein, sur ce cas-là, mais alors, moi j'ai compris qu'il y avait un problème avec ce sale juif à propos de deux choses. D'abord, j'ai vu des jeunes, des gamins, des blancs, hein, je parle, rire comme des baleines devant ce mec-là, un sketch. Sauf que, moi j'ai regardé le sketch, je suis pas mauvais public, du tout, pas du tout. Mais c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Il y a aucun talent, c'est mal joué, il n'y a pas d'inspiration. C'est vraiment, mais de l'humour. C'est pas de l'humour, en fait. C'est pas de l'humour. J'ai l'impression qu'il lit un texte, quoi. C'est horrible. Et en plus, il est juif, mais avec une sale gueule de juif, satisfait de lui-même. Enfin, tu vois, le type qui est. T'as l'impression qu'il a conquis le Pérou, quoi, le mec. Tu sais pas pourquoi, il est là. Il rigole de ses vannes en permanence. Voilà. Et je suis très content d'apprendre qu'en fait, ce mec n'est pas drôle. Mais en plus, il a réussi à ne pas être drôle en copiant des gens qui sont drôles et reconnus pour être drôles. C'est vous dire à quel point il est mauvais. Voilà. Alors, comme il est partout au cinéma en France, puisqu'il est promu agressivement par la presse juive, on nous le colle partout, comme toute cette merde qui vient d'Afrique du Nord, là, tous ces séfarades-là. Bah, et pas que, d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des Arabes qui nous font chier. Hein. Moi, des mecs comme Jamel Debbouze, je peux pas. Mais c'était pas le bruit du gaz hein, qui rentrait, ce que j'ai fait. Hein, c'est pas... ce type-là a été chopé pour plagiat, c'est pas la première fois, mais là, effectivement, cette vidéo, c'est une bonne compilation. Ils sont coutumiers du fait. Tu en as un autre, c'est le. Alors, c'était la nouvelle star de cinéma, tu sais. Thomas Sisley, c'est le soi-disant moitié juif, moitié arabe, mais en fait, 100% juif. Hein, c'est la moitié arabe, en fait, c'est un séfarade. Oui, c'est un séfarade, c'est un métis séfarade d'Ashkenaz, donc c'est un juif. Quoi. type Largo Winch, etc. Ou des One Man Show, en veux-tu, en voilà. Et en fait, pareil, le type piochait dans les mêmes registres. Il prenait des spectacles d'humoristes américains et puis il faisait du copier-coller, pareil. Le juif n'invente jamais rien, hein, doit-on le rappeler? On va pas sortir non plus Einstein pompant sur Poincaré, ce serait un petit peu cruel quand même. Ce serait cruel. Et puis ensuite, le rôle de la presse juive en occultant l'œuvre de Poincaré pour faire toute sa place hein, à Einstein au point de lui donner son prix Nobel, bien sûr. Étonnez-vous pourquoi il y a tellement de prix Nobel qui sont accordés à des juifs. Les gens sont là, mais les juifs sont géniaux, ils ont tellement de prix Nobel. Oui, non, mais il y a un secret là-dedans. D'ailleurs, vous avez entendu parler que... On songe de plus en plus à retirer son prix Nobel à ce très grand généticien. Watson, enfin, ça. Voilà, qui a découvert. James Watson. Voilà, qui a découvert la structure de l'ADN. Pourquoi ? Il associe, il dit, voilà, il y a des déterminismes génétiques qui ont des conséquences qu'on appelle des conséquences raciales, si vous voulez. Donc à partir du moment où il considère que la race existe, ça ne va plus. Alors là, récemment, c'est encore une université américaine qui l'a déchu de ses titres. Alors, c'est pas du complotisme, hein. Intéressez-vous à qui tient les universités américaines. Encore une fois, ce sont des copier-coller des ghettos de Pologne, d'Ukraine, de Roumanie. Les listes sont les mêmes, les noms sont les mêmes. Ce sont les mêmes faciès. Voilà, bon, ils ont des costards cravates à la place d'avoir des caftans. Voilà, alors, c'est la seule chose. Ils ont les mêmes gueules que, oui, c'est l'école de Francfort. Tu vois, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, évidemment, non, on ne peut pas. Voilà, donc Watson est persécuté. Voilà, quelqu'un qui n'a pas volé son prix Nobel. Mais bon, voilà où nous en sommes, quoi. Hein, voilà où nous en sommes. Donc, alors bon, je suis un peu cruel parce que bon, avec Einstein, on était encore dans la physique. Bon, là, on est avec Gad Elmaleh quand même. Donc, je suis un petit peu méchant. Einstein était quand même un Ashkenaz. Faut quand même toujours quand même souligner hein, que les séfarades sont quand même les nègres de la communauté juive. C'est quand même important de le souligner. Bon. Voilà, bon, faut rendre à César ce qui est à César, et à Yahvé ce qui est à Yahvé. Donc, bon, oui, effectivement, les séfarades produisent des humoristes sans talent qui plagient les Ariens. Non, ils produisent des singes, en fait. Ils produisent des singes, ouais, c'est ça, des macaques, des macaques qui ne sont bons qu'à, qu'à singer. Donc, voilà. ce très singe mal, de Gad Elmaleh, qui d'ailleurs est allé se trouver une place dans la famille royale, enfin princière de Monaco. Hein, voilà. Ah, vas-y, explique-moi ça, j'ai loupé un... Tu as loupé un épisode. A-t-il engrossé la famille royale? Oui, ben, tout à fait. Ah hein. Charlotte Casiraghi, voilà. Ah, oui. La fille de, bah, la fille de Stéphanie. En même temps, le prince régnant, en même temps... Oui, bah oui, il a fait une néglasse. À lui-même, est l'heureux papa d'un Congolais, donc bon... Oui. Alors oui, précisons, je ne sais pas si on l'a déjà dit, je suis pour l'annexion de Monaco. En fait, je suis même pour le raser, en fait, complètement. Des objections? Oh si, non, c'est quand même... C'est... Non, moi, j'aime bien Monaco, j'aime bien. Non, je veux dire, l'annexion, ça peut être très joli, mais on l'annexion quand propre, même. Hein. C'est-à-dire, tu vas dans un endroit, c'est toujours propre, moi, j'aime bien. Ouais, mais est-ce qu'on peut annexer quand même? Quand la République annexe, non. Si c'est nous, oui. Mais la République, non. Ouais, ah. Et si à condition qu'on se débarrasse de la famille régnante, hein, parce que je suis désolé, voilà, voilà, mais voilà. Cas, quoi. On peut pour la faire petite une... anecdote, vas-y, ouais. Je suis pas de là-bas, mais petit, en vacances à Monaco, je vais me trimballer dans le musée océanographique. Et ma mère me dit regarde, c'est la princesse de Monaco. Et moi, gamin, 8 ans, je voulais la voir pour dire bonjour à la princesse. Tu sais, le gamin qui a pas compris que c'est un paysan français et qu'il ne doit que fermer sa gueule et payer les impôts. Et là, je me fais dégager, mais comme un malpropre, à tel point que ma mère... Mais dégager par qui? Je te dis, à tel point que ma mère a quand même dit à la personne incriminée qu'il fallait... Quand on parle aux enfants, on peut leur parler autrement. Je me suis fait dégager par le garde du corps de la princesse Stéphanie Monaco, qui, par la suite, est devenu son mari. Hein. Je ne sais pas si vous savez. Ah oui ! C'est pas Ducruet ? Voilà. Ouais, c'est ça, Ducruet. Le mafieux. Hein. Voilà. Ouais. Donc, déjà, quand tu as la princesse, la famille régnante, qui se fait monter dessus par son garde du corps, tu te dis que la famille régnante aurait des leçons à prendre de la part de Philippe le Bel, je crois. Enfin, pour revenir à l'humour sémite, enfin, il y a quand même le non-humour plutôt, il y a des générations entières de oula. Petits Français qui ont dû être obligés de trouver rigolo des Jamel Debbouze, des Marocains, hein, des Gad Elmaleh et compagnie. On s'est quand même tapé du Boujna, hein. On s'est... Alors dans le même temps, parce qu'il n'y a pas que les Juifs, il y a du Boujna, il y a du Smaïn. Oh là là, que c'était pas drôle ça. Oh Smaïn, putain, franchement la gueule de Smaïn. Ah oui, hein. Ah non, non, on en a eu. Ah, ils nous ont exporté. Mais vraiment, en mettant le paquet, quoi, ils n'ont jamais réussi à. Qu'est-ce qu'il y a encore comme ça qui vient de ces terres maudites là d'Afrique du Nord? Je ne peux pas souvenir. Mais, ah, il y en a un paquet, mais nous, on est déjà d'une génération qui est. Enfin, on... Ah, aujourd'hui? Ah oui, tu dis aujourd'hui. Ouais, là, ouais, non, aujourd'hui, il y en a plein. On ne connaît pas, nous, parce qu'on est. Et on peut plus, tu vois, on vomit devant. Ah oui, moi je peux plus. Ah non, mais c'est pas marrant du tout, quoi. En fait, maintenant, ils nous sortent des nègres humoristes. Ouais, ouais. Bah si, t'as les. Comment il s'appelle Njijol, comment il s'appelle celui-là, ce Ouais, c'est ça, les nègres. Voilà, t'avais. Bah, Omar Sy, c'est de là qu'il vient. C'est de là qu'il vient, Omar Sy, avant de faire sa carrière d'acteur, entre guillemets, pour le service des juifs. Parce que lui, c'est pareil, c'est une créature juive. C'est pas un acteur, c'est-à-dire, c'est un nègre qui rigole. Voilà, c'est un nègre qui rigole. Qui joue le nègre rigolard. Voilà. C'est un nègre rigolard qui joue le nègre rigolard dans tous ses films. C'est-à-dire qu'il est au naturel, en fait, il joue pas du tout. Comment dirais-je Bah, celui-là, c'était quoi C'était quoi son truc là, il était au téléphone Omar avec Fred. Un. Ouais, voilà. Voilà. C'est ça. Omar Fred. Voilà. Ouais, et Canal Plus. Hein. Petite digression sur Omar Sy. Parce qu'en fait, ça fait 20 ans qu'on ne le voit pas vieillir. Mais là, j'ai pu trouver des photos de lui récentes. Ça y est, le nègre commence à friper, hein, le nègre rigolard Omar Sy. D'ici 5 ans, il ressemblera à une figue. Hein. Ouais. Alors là, le nègre Omar Sy, ils vont nous foutre dans un film en tant que commandant d'un sous-marin nucléaire. Voilà. Ah bah ça fait le bruit d'un sous-marin, toi, ça fait trop. Ah bah voilà, on y est. Oh putain. C'est le nègre sauveur. Putain, Omar Sy arrive, il a pris le contrôle de l'émission. Oh là là là là là. Il a kidnappé MacDav. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh non, mais je peux pas, moi je peux pas. Enfin bon, bref. Voilà, donc Gad Elmaleh. Voilà. Bon, mais en France, ça n'a pas fait beaucoup de vagues en France. Hein. C'est très discret. On retrouvera encore ce sale juif à la télévision. Et voilà, et truc dans le cinéma. Toujours pareil, hein, toujours pareil. Ouais. D'ailleurs, une petite anecdote, il y avait aussi celui qui jouait Sabri Saïd dans H avec Jamel Debbouze. Justement, là, je regardais. Mission avait. C'était il y a 15-20 ans, ça. Émission produite par un certain Jean-Pierre Ramsay Lévy. On comprend pourquoi Debbouze a arrêté de dire trop de mal du bêtard. Hein. Bon. Bah, de toute façon, il y a des images de lui, il est au mur des lamentations à Jérusalem. Hein. Il est allé jusque-là, quand même, le mec. Oui. Bah, en même temps, il est marié avec Mélissa Torio, quoi. Torio, elle n'est pas juive, hein, c'est une Française, ça. Hein. Une Française. Hein. Mais il est quand même allé, il est allé au mur des lamentations. Elle est peut-être pas juive, mais apparemment elle est très judéo-compatible. Ah bah oui, bah oui. Elle est à la télévision française, quoi. De toute façon, il n'y a pas d'antisémite à la télévision française. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi le film, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Bah, disons que s'ils le sont, ils se cachent, quoi. Ouais, ou alors ils Yardison, ont... Ouais, mais qui a donné tellement de gages derrière que voilà, c'est tellement. Ça doit même les amuser, en fait, même les juifs. Hein. Évidemment, hein, parce que c'est des araignées, hein, j'ai la soumission. Ça. Bah oui, ça les amuse d'avoir des antisémites carabinés qui font tchouva et qui en font des tonnes, etc. Parce qu'ils savent que derrière, eux, ils ont tous les dossiers, tu sais, donc à la moindre incartade, etc. Puis alors ils demandent, parce que là, c'est le chantage sémitique. Hein. Ah oui, voilà, puis là, c'est vas-y, c'est parti, quoi. Ouais. Ouais. C'est quand... Oui, c'est d'ailleurs très étonnant que Hardison n'ait jamais été pris avec un sac rempli de cocaïne. Quoi. C'est bizarre. Hein. Bah, je pense que c'est pas ce type d'accusation qui fonctionnerait parce que lui, il pourrait citer tellement la liste de tous les camés, etc. Ouais. Que, non, mais peu importe, quand même. Hein, ces gens-là se tiennent, quoi. Enfin, ce type-là, qui objectivement est connu pour être un camé notoire s'enfilant de la cocaïne à tire-larigot, bon, si on veut le mettre à l'ombre, c'est très facile. Bon, on veut pas. Hein. Non, mais non, bien sûr que non, ils sont le protégés. Type, le type a un permis pour avoir de la coke. Hein, voilà. Bah, en même temps, quand le président français est lui-même un cocaïnomane aggravé, on voit pas comment. les cocaïnomanes du show business seraient inquiétés en France, quoi, tu vois. Hein? Bon. Eh oui, messieurs. Alors, maintenant que nous avons fait ce tour d'horizon, je vous propose de nous arrêter sur, sur ce... Oui, de venir en fait sur un peu la situation en France sur, avec les gilets jaunes, mais plus exactement avec ce grand débat, et même pas dans le grand débat, enfin le grand débat, là le nom, le grand débat, je sais même bon. La grande dispute hébraïque, n'est-ce pas, voulue par Macron, et plus spécifiquement le type de personnes que ça attire. On va faire un peu sociologie, et on va s'intéresser très clairement aux boomers hein, qui s'agglutinent dans ces soi-disant réunions qui sont organisées à l'initiative du gouvernement, dont vous connaissez bien sûr qui sont les maîtres. Il y a eu un papier sur France Info qui était pas mal, pour une fois. Je veux dire, ils ont quand même un petit peu levé un... Bon, ils ont dit le roi est nu, quoi. Bon, en gros, quoi. Et ça parle de ça, justement. Le titre de l'article, c'est « On ne compte pas un seul jeune. Aux réunions du grand débat national, les seniors, je cite, ont le pouvoir. » Donc en fait, c'est les boomers. Les boomers ont le pouvoir dans ces pseudo-débats de Macron ou ceux qui sont organisés par ces sbires de La République En Marche. Alors, vous allez voir, on va rentrer dans le détail, mais c'est aussi pour clarifier l'ambiance générale aujourd'hui politique en France, puisque nous avons bon, ce débat bidon d'un côté, instrumentalisé par Macron et les médias juifs. De l'autre, nous avons des gilets jaunes, mais des gilets jaunes qui sont partiellement phagocytés par certaines organisations d'extrême gauche ou par des figures en fait qui n'ont pas de culture politique en réalité, comme ce fameux Fly Rider là, ce Breton. Enfin, c'est triste. Hein, moi, je le vois évoluer là. Bon, il est... Enfin, bon, ça a jamais été une figure dirigeante, si on veut. C'était plus figure tout simplement qui était là au milieu des autres, mais qui représente pas le mouvement d'ailleurs. Genre le mouvement continue, on va y revenir, mais qui transpire un petit peu enfin qui répercute, qui reprend cette chape de plomb idéologique qui est imposée sur la France en fait depuis 1945, hein, mais plus précisément depuis 1968 dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Donc on va revenir là-dessus. Moi j'avais envie qu'on fasse le point en fait, qu'on fasse le point et un petit peu qu'on aère. Alors on commence avec ce grand débat, soi-disant, et ceux qui y interviennent. Et vous allez voir, c'est très frappant. Et ensuite je vais vous donner la parole. Alors plutôt que de lire tout d'une traite, je vais m'arrêter, je vais donner la parole un peu aux participants. Pour qu'on fasse un peu le point. Alors, l'article, j'en ai donné le titre. Hein. Donc, on ne comptait pas un seul jeune. Voilà. Donc, c'est l'article traite en fait d'un débat typique qui a lieu avec des organisateurs de La République En Marche, les macronistes, et qui reconnaissent ce qui se passe. Bon. L'article commence comme suit. Dehors, il fait froid et nuit noire. À l'intérieur, la vaste salle municipal illuminé se remplit peu à peu, trois quarts d'heure avant le premier grand débat à Beauvais dans l'Oise, qui se tient lundi 28 janvier à 20h. Respect un brin désuet de la ponctualité ou crainte de devoir rester debout, les premiers à s'installer sur les dizaines de chaises bleues disposées en arc de cercle sont souvent des retraités. Et les plus de 50 ans en veste et plus chaud représentent la majorité de l'assistance. Une surreprésentation constatée ailleurs en France. Dès le 22 janvier, Nadia Belaoui, notez les noms, hein, une des cinq garantes, je cite, du grand débat national voulu par le gouvernement pour répondre à la crise des gilets jaunes, s'en inquiétait. En conférence de presse, elle rendait ainsi compte d'un premier bémol après une visite de terrain à Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel, notez bien, on ne comptait pas un seul jeune parmi les 60 personnes présentes. Alors, je m'arrête là. Il n'y avait pas un seul blanc non plus. Hein, à Villiers-le-Bel, voilà, hein. C'est ça. C'est-à-dire que quand Nadia Belaoui se plaint qu'il n'y ait pas de jeunes, il faut comprendre la signification de ce qu'elle dit. Derek, tu l'as bien compris. Quoi, hein, c'est... Il n'y a pas de basané, quoi. Voilà, ouais, c'est le problème, ouais. En fait. Je te coupe, hein, mais ils ont montré aussi un reportage sur Grigny. Putain. Alors là, c'était pas seulement ça. C'est, non seulement il n'y avait pas un blanc, mais il n'y avait même pas un arabe. C'est-à-dire, tu n'avais que des nègres. Ah ouais. Que des nègres. Des grappes, quoi, hein, pour le coup. C'est, ah ouais. On aurait un panier de myrtilles, quoi. Panier de myrtilles. Et t'as l'impression des reportages, c'est quand t'as l'armée française qui est en déplacement, je sais pas, au Mali ou au Niger ou je sais pas où, tu sais, ouais, ils vont voir les populations locales. En fait, c'est le même truc, en fait, c'est ça. Tu avais des nègres qui alignaient trois mots. Ouais, ouais, ouais. Un truc. Nous si, parler, prendre en compte, référendum. Ouais. Oh putain. Référendum. Ça rime avec droit de l'homme, référendum en même temps. Les droits de l'homme, là, dis donc là. C'est ça. C'est cela même, oui. C'est cela même, n'est-ce pas? Oui, donc il y a un problème de coloration ethnique. Hein. Mais alors, c'est marrant, elle identifie jeunesse et coloration ethnique. Y aurait-il un remplacement de population en cours? Je ne sais pas. Apparemment, c'est une théorie conspirationniste. J'ai encore lu le journal Le Monde, là, récemment. Ah oui, il y a Valérie Igounet, là. Ah, celle qui nous veut du... Elle nous aime, oui, pas, elle, hein. Alors, deux choses. Alors, elle est journaliste au Monde. Bon, déjà, de la banque juive Pigas. Donc, déjà, elle est historienne. Marqué. Historienne, oui. D'histoire du Front National. Alors, oui. Donc, oui, Front National et du négationnisme. Voilà. Alors, oui, elle a passé sa vie à renifler le cul des frontistes et des révisionnistes. C'est dingue, quoi, quand même. Oh, putain. Bah, c'est dingue, sauf dans une république soviétique gouvernée par des juifs comme la France, effectivement. Là, ça devient plus logique, déjà. Alors, pourquoi je m'arrête sur son cas, celle-là? C'est parce que... Je crois que c'est sous sa plume que je voyais ça, quoi. Enfin, que c'était une théorie... Enfin, que le remplacement était une théorie conspirationniste mise au point par Renaud Camus. Voilà. C'est une théorie conspirationniste. Alors, bon, je sais pas ce qu'ils prennent. Alors, je sais que quand on est vraiment... Déjà, quand on est payé par les juifs... puis qu'on est complètement convaincu de faire le bien en servant les juifs, on est prêt à raconter quand même beaucoup de conneries. Mais alors, être à Paris, hein, comme ça, comme cette traînée, et dire qu'il n'y a pas de remplacement de population, je ne sais pas comment ils font. Honnêtement, ils prennent peut-être des pilules ou ils sont en dépression lourde, je ne sais pas. Bah non, mais c'est juste que les Blancs, les Noirs, les Chinois, c'est la même chose. Du coup, tu ne peux pas remplacer ce qui est identique. Voilà. Oui, Flyrider, là, le breton un peu con, il a dit qu'on avait tous une assiette à remplir, on mange tous et on fait tous caca, donc on est tous pareils. Voilà. Alors ça, c'est un point de discussion intéressant. Donc ça, il est intervenu sur le... J'allais dire, excusez-moi, c'est redondant, mais c'est pas de ma faute. Il est intervenu sur le média mélanchoniste qui s'appelle Le Média. Bon, excusez-moi, c'est comme ça. Et... interrogé par Aude Lancelin, la rédactrice en chef du Média, sur la question, je crois, de l'immigration, il a dit, Flyrider, donc bon, je sais que c'est pas un intellectuel, d'accord, c'est pas ce qu'on lui, bon, voilà, puis j'ai pas envie de m'acharner spécialement contre lui, mais il dit, c'est une question qui est faite pour diviser les gens. Alors, déjà, là, moi, j'arrête tout de suite ce breton. Non, l'immigration ne divise pas les Français. À 80%, les Français veulent stopper l'immigration et renvoyer les bougnoules chez eux. Enfin, tous les sondages d'opinion sont absolument clairs. S'il n'y avait pas une minorité de juifs soutenus par des francs-maçons, des démocrates, quelques marxistes, le grand patronat, et les médias bien évidemment, mais c'est la même chose, il y a bien longtemps que l'immigration aurait arrêté en France... de par la volonté populaire. Donc quand j'ai entendu ça, il dit ouais, ça divise des... Non, ça divise pas, les Français sont pas divisés là-dessus. Et d'ailleurs, notez bien, hein, les pourcentages. Il y a encore, je crois, 20 ou 25%, bon, mettons 25% qui soutiennent Macron, bah, c'est les 25% qui soutiennent l'immigration. Vous savez, c'est assez cohérent. Hein. Bon, mais visiblement, il n'a pas identifié le problème. Et alors vient ensuite son argumentaire, oui, c'est en gros... Oui, oui, il résume en fait les questions raciales, les questions d'immigration, les questions... Voilà, a, en fait, une question chromatique. Hein. Voilà, lui, il est plus ou moins noir. L'autre, il est plus ou moins de couleur marron maghreb. Moi, je suis plus ou moins blanc. On a des besoins biologiques. Manger, faire caca, on a vocation à être frère. Je sais pas si vous vous représentez à quel point ces gens... enfin, à quel point le gauchisme mental a bouffé la cervelle de ces gens-là. Enfin, je dis pas les gilets jaunes, hein. Je parle pas des gilets jaunes. Là, je parle du profil, en gros, du type en fait qui, ouais, du blanc, voilà, du blanc moyen, un peu gauchias, qui sort du système éducatif français en ayant redoublé une fois. Voilà, et qui zone entre ses 20 et 30 ans, quoi. Voilà à peu près l'univers mental. C'est en gros l'humanité. Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est quoi l'être humain? C'est un tube digestif prolongé, voilà, d'un sexe, comme disait Pierre Hillard. Voilà, ouais, et donc, voilà. Bon, ouais, donc, la définition de l'être humain, c'est le goy, quoi. C'est le goy selon le Talmud. C'est ça. Du bétail. C'est du bétail. On mange, ouais, ouais, n'a pas d'âme, on mange, voilà. On défait, pourrait faire, ouais, de temps en temps, on pourrait faire des œufs aussi, c'est pareil, quoi. Voilà. Et voilà, c'est ça la. Je sais pas si vous. Et donc, du coup, évidemment, bah, quand la question, c'est comment dirais-je, la digestion, l'intestin, l'anus déféquer, se reproduire, quand on est vraiment dans la pure fonction biologique, hein, mais je veux dire, qu'on retrouve chez les batraciens, je veux dire, quand c'est ça la conception de l'homme qu'on a dans la tronche, bah évidemment, on va rejoindre les communistes dans leur matérialisme pur. Je veux à manger plus. Et là, on va pouvoir parler effectivement la même langue que les nègres, puisque les nègres qui n'ont, je le dis, jamais franchement, enfin qui sont vraiment des êtres archaïques, hein, pour eux, voilà, c'est manger, chier, se reproduire, hein, c'est ça le nègre. Hein. Il y avait la belle formule d'ailleurs d'un prix Nobel français, hein. Je veux dire que toi tu la connais très bien, mon cher Derrick. Je ne l'ai pas sous la main. Charles Richet. Hein. Charles Richet, bon, si on gagnerait à le reciter quand même parce que c'est un prix Nobel et bon, c'est un scientifique, mais il avait bien résumé le problème. Je ne sais pas si tu me retrouves, oui, cette citation. Ah, enfin, bah, Alexis va me la trouver. Par exemple, hein, depuis 30 000 ans, les Noirs vivent en Afrique et rien ne les élève au-dessus des singes. C'est une des citations qu'il a sorties. Mais on peut en trouver d'autres. La principale étant qu'ils ne sont capables de produire que du gaz carbonique et de l'urée. Ouais, ah ça. Oui, aussi. Ah, c'est celle-là. Eh bien, excusez-moi, le fly rider en question, sa conception de l'homme, qui se résume à un pur matérialisme biologique, consiste à vouloir manger plus. D'accord? Et du coup, selon lui, ça invalide non seulement les questions d'immigration, mais bien évidemment les questions de race, ou que nous définirions comme des questions raciales, etc. Voilà. Non, je ne sais pas si ça traduit quand même un univers mental effrayant. Effrayant, c'est effrayant, des gens comme ça. Je suis pas là pour vraiment. J'ai pas envie d'enfoncer spécialement ce bonhomme-là. Hein. Je dis pas, oh mon Dieu, il incarne tous les problèmes. Pas du tout, parce que je pense que son influence est très marginale en fait dans le mouvement, qui est un mouvement vraiment populaire. Parce que si c'était que de lui, je vous assure que le mouvement des Gilets jaunes, il y a longtemps qu'il aurait disparu. Donc c'est pas trop problématique, si vous voulez. En revanche, c'est symptomatique. C'est symptomatique. Ah, c'est aussi quelqu'un qui ne travaille pas, hein, ou très peu, parce qu'il dit qu'il est intérimaire, mais c'est probable qu'en fait, il n'ait pas beaucoup de boulot, parce qu'il est matérialiste dans le sens exclusivement négatif, mais il est tellement obsédé par son estomac qu'il en oublie ou il méconnaît des réalités fondamentales. On parle parfois de combien ça coûte l'immigration, etc. Par exemple, Gérard Pince, qui est un type qui est un économiste, qui a voyagé dans plein de pays, bon, pince comme une pince. Il a fait un calcul, il a dit si les immigrés du tiers-monde n'étaient pas là, nous aurions 2000 euros de plus par français, que le français soit un nourrisson, qu'il soit une personne âgée ou une personne adulte, ce qui fait que pour une famille, par exemple, qui a deux enfants, un couple qui a deux enfants, ça ferait 4000 euros par an, c'est une somme considérable. Et plutôt 8000 euros par an, c'est-à-dire 40 000 euros sur 5 ans, par exemple. Donc, si l'immigration n'était pas là, beaucoup de gens, si les finances étaient mieux utilisées, nous pourrions sortir pour beaucoup de la pauvreté. Mais c'est une question qui divise, dit Maxime Nicole. Bon, voilà. Elle divise les juifs du reste de la population, quoi. Et avec eux, comment dirais-je, quelques intérêts très précis, quelques fractions du grand patronat très spécifiques. La grande finance, etc. Ouais, effectivement. Mais enfin, ne pas comprendre. Ça, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a un type qui dit représenter, enfin, être un des représentants du mouvement des Gilets jaunes. Là, on parle de bon sens pur, hein. On ne parle pas de politique, de grande politique ou de grande théorie politique ou même, comment on dit, de spéculation idéologique. On parle vraiment de sens commun. Le type vous explique que l'immigration n'est pas un problème. Alors que tous les grands médias, la grande finance, des groupes d'intérêt très puissants passent leur année complète, leur année entière, à marteler dans la tête du prolétariat qu'ils doivent accepter de coexister avec, des masses des masses croissantes, si vous voulez, de migrants, entre guillemets, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'ailleurs, alors que c'est objectivement une catastrophe. Et à un moment donné, le team n'identifie pas l'arnaque. Il y a un problème. Et ensuite, quand on écoute l'argumentaire, là c'est à pleurer, quoi. Là c'est vraiment à pleurer, quoi. Bah, dans le même rayon, il y a aussi François Boulot, qui est un type qui va souvent sur les plateaux télé, qui se fait soi-disant représentant des Gilets jaunes de Rouen, etc. Le type dit oui, il nous faut la transition écologique. C'est-à-dire oui. Qu'en fait, tout le baratin autour du soi-disant réchauffement qui est causé par notre Twingo ou par notre Clio. Par le barbecue. Par le barbecue. Lui, il a complètement gobé ça. Ou alors, s'il n'a pas gobé, ça veut dire qu'il ment. Donc c'est encore pire, c'est qu'il est manipulateur et pas seulement bête. Voilà. Non, c'est un avocat communiste, lui. Hein. Voilà. Vous remarquez, il s'habille toujours pareil, avec la même chemise bleue, toujours la même. Et son gilet jaune, et sa paire de lunettes de prof d'Allemagne de l'Est. Si ça porte des lunettes, c'est mauvais signe, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais. Ah oui, hein. Mais de toute façon, je suis désolé. Alors, vous savez, je dis souvent du mal des communistes, la preuve, on est en train d'en dire du mal. Des Khmer Rouges, hein. Disons du bien. Des Khmer Rouges et des maoïstes. Et de Mao Tse-tung, qui avait très bien compris que tout ce qui portait une lunette devait retourner au champ. Bah, disons que oui. Du côté Khmer Rouge, c'était un petit peu plus radical encore. Plus sain, je dirais, moi. Une question de champ lexical, mais vraiment. J'ai du mal à en vouloir quand même totalement à Pol Pot. Je veux dire, il faut toujours contextualiser. Je pense que l'homme avait des raisons. Alors qu'il nous échappe, hein. Mais alors en France, là, par exemple, là, en France, là, tout de suite, là, je pense que certaines personnes gagneraient franchement à retourner au champ creuser des trous, hein, et accessoirement les remplir. Je pense. Mais bon. MacDav, oui, alors toi, je sais qu'il t'a beaucoup plu. Flyrider, oui, le chauve-chauve. Déjà, il a une casquette à l'envers de Wiggers. Moi, je peux pas. Quoi, ouais, pour moi, tu vois, ça a été rédhibitoire. Tu vois, la casquette à l'envers du nègre blanc, c'est beaucoup, beaucoup trop pour moi. Et je suis désolé, mais il y a quand même beaucoup de gilets jaunes qui sont des branleurs. Je veux dire, c'est pas des mecs qui bossent. Au sens propre du quoi, entre les mecs qui bossaient étaient là au début, quoi. Ouais, entre la Jacqueline Moureau qui est voyante ou naturopathe. Non, Jacqueline Moureau discute avec les morts. Ouais, enfin bon, bref. Quoi, peu importe. Ça veut dire un autre. Oui, le Flyrider, j'ai cru comprendre qu'il avait une formation dans l'aéronautique. Il y a un métier qui en ce moment. Recrute beaucoup, il a une licence, hein, quand même, hein. Enfin une licence pro. Donc en principe, il devrait trouver du taf dans le domaine. Il bosse pas, il est intérimaire. moi je trouve qu'il plane. Bon. ouais, bon. Alors attention, hein, je dis pas que le mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même à la base un mouvement de travailleurs. Mais on est vraiment parti d'un mouvement qui était sain, qui était antifiscal, de droite. Et qui était, je ne dirais pas apolitique, parce que pour moi, apolitique, ça ne veut rien dire, qui était hors parti, ce qui est différent, mais qui avait quand même un fond de droite, quoi. Il y avait un sentiment de bon sens de droite antifiscale et libérale. Oui, Bon sens, quoi. Vraiment, arrêtez de nous faire chier. et arrêter de nous taxer quand on produit. Et maintenant, on est passé à une mouvance de gauche, quoi. On est passé. Peut-être pas quand même, hein, parce que c'est beaucoup plus éclaté que ça. C'est hétéro. C'est pas mal. Ça se gauchise quand même beaucoup. Oui, il y a des. Comment dire, des cristallisations hein, qui se font autour en de tout cas au plan médiatique en fait en tout cas au plan médiatique ouais, non, ouais. Mais même la base je crois même... la base je crois mais je crois que c'est assez hétéroclite ouais. Si, non même dans les rues hein, écoute les gens au départ effectivement comme l'a dit MacDav avaient des revendications antifiscales et anti-étatiques et l'un découlant de l'autre. Ils veulent juste de l'argent gratuit. Il y a des gens qui veulent des subventions, qui veulent leur part du gâteau. Ce ne sont pas des travailleurs qui, mais ce ne sont plus en tout cas ceux qui continuent à se rassembler. Ce ne sont plus les travailleurs qui veulent moins d'impôts. Ce sont ceux qui veulent faire partie du parasitage. Hein. Je crois pas que ça représente tout le mouvement du tout. Je pense qu'il y a des gens comme ça, mais je pense qu'ils étaient déjà présents dès l'origine, c'est-à-dire des gens en fait qui viennent de l'extrême gauche. Mais les autres sont retournés bosser hein, depuis. Hein. Je crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont plein le cul, qui sont présents dans ce mouvement-là, qui sont des gens qui sont vraiment au milieu de ça, mais. En revanche, je m'en méfie beaucoup parce qu'il y a une visibilité qui leur est accordée très suspecte, qui sont ces gauchistes à la con. Et notez bien, c'est une cooptation médiatique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que le mouvement, c'est-à-dire les gens dans la rue, qui sont dans la rue, etc., seraient tous, en gros, des crypto-mélenchonistes. Je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Il y en a, mais je ne crois pas que ce soit représentatif. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au plan médiatique, il y a une cooptation, et que cette cooptation va uniquement dans le sens de tout ce qui conforte, effectivement, cette espèce de populisme infect de gauche qui, je vous le dis, ne fera jamais recette au plan électoral, par exemple. Moi, je suis convaincu que... Je peux me tromper, hein. Enfin, il ne sortira pas de son étiage, je veux dire, aux européennes, par exemple. Je ne crois pas du tout qu'on va avoir une percée phénoménale de Mélenchon qui va soudain passer à 30%, etc. J'y crois pas du tout. Je vois pas ça partir dans cette direction, en fait. Donc, mais ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui sont cooptés, qu'on met en avant. Regardez cette espèce d'ordure de Chouard. Alors, moi, Chouard, bon, ce type est visqueux, hein. C'est-à-dire que d'abord c'est un fonctionnaire je crois d'origine, hein. Je me trompe pas. Hein. Un professeur de BTS. Hein. Voilà, bon un prof, c'est un sale prof. C'est un sale Chouard. Etienne ah Chouard. Oui, oh là là. Bah voilà, donc c'est un cas ici qu'on connaît depuis des années. Ce type-là fait semblant d'être un penseur, tu vois. Et le mec, il est là, il s'arrête. Il a le micro, il s'arrête. Il est tourmenté, il est réfléchi. Ouais, et puis c'est le mec t'envoie à moitié chier au micro comme ça, ouais. Ah, puis on va se mettre et ça. Bon, voilà. Bon, ça, tu vois que c'est un faisant intégral. Mais le type, il est en grande discussion avec Raphaël Enthoven. Eh oui, le mandataire du Kahal, le mandataire des Juifs, pour rattraper par la manche un machin qui les inquiète. Alors, et l'autre. Vas-y que je te fais des smiles, vas-y que je te fais des sourires sur Twitter, et ben là, ça se renifle le cul, voilà. Ces faisans-là, ils sont là pour faire du beurre, ils sont là pour avoir de la visibilité, et on va leur en donner de la visibilité. Probablement que Chouard, dans les semaines à venir, les mois à venir, là, on n'aura jamais parlé autant de cette théorie. On va l'inviter sur France 5, etc., voilà, alors le truc, tout le monde se foutra totalement de ce qu'il racontera. Mais voilà, parce qu'ils vont dire, ouais, mais lui, il accepte de discuter avec les Juifs. Donc ça passe. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est que les parties saines du mouvement, les parties populaires du mouvement, un mouvement quand même, encore cette semaine, 300 000 personnes dans les rues, 300 000 qui, comme je le dis, peuvent se convertir avec un événement, un catalyseur, un phénomène qui se passerait, peuvent passer à 1 million. Faut pas le perdre de vue, ça. Ils veulent que des gens soient les voix officielles. Ça, les médias peuvent l'organiser, c'est ce qu'ils organisent actuellement. Ça, c'est ce qui se passe. Il n'y a qu'un type, vous voyez, avec lequel je serais un peu plus indulgent, C'est Éric Drouet. Ouais, c'est un travailleur. Voilà. Alors, il est plus prudent. Là, il commence à faire un petit peu attention à ce qu'il déclare, parce que c'est un sanguin. C'est quelqu'un qui... Il est sanguin, mais il n'est pas stupide. Donc, c'est quelqu'un qui, des fois, se permet comme ça des sorties. C'est le seul qui bosse. On dit pas un ouvrier hein, pour un routier, mais je sais pas comment dire quoi. Mais un routier. Bon, lui, il est droit. Il n'hésite pas à aller à la confrontation. C'est quelqu'un qui a envie d'en découdre. Le fait que les mecs veulent aller à la confrontation directe avec ce gouvernement juif est bon signe. Donc de ce côté-là, voilà. Après, c'est encore pareil. C'est-à-dire que à côté de lui, il y a un bico totalement louche. Dont j'ai complètement bouffé le nom. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Donc, vous voyez, il y a toujours ce truc-là. Et ça ne représente pas, parce que ça représente pas ce mouvement populaire à l'origine. Des bicots à demi-salafistes avec des barres, des machins, des casquettes à l'envers, hein, c'est pas le mouvement des gilets jaunes, soyons sérieux. Bon. Donc, c'est toujours pareil, si vous voulez. Ouais. Bah, il y a quelque chose qui est assez symptomatique de tout ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'ISF, c'est-à-dire ceux qui veulent, oui, on donne trop aux riches et puis on donne pas assez aux pauvres. Alors, c'est pas totalement faux, c'était ce constat simplement. L'ISF, ça va être payé par la haute bourgeoisie, mais locale et municipale, c'est-à-dire des gens par exemple qui ont hérité de biens d'une belle maison ou des gens qui sont chirurgiens ou bien dentistes. Du coup, c'est les gens qui vont avoir du patrimoine qui vont être taxés là-dessus. Alors, ils sont déjà taxés, mais l'ISF va les taxer de façon supplémentaire, ce qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir, dans certains cas, ils vont... Oui, c'est pas, c'est pas le grand capital, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est-à-dire que l'ISF, ça va toucher avant tout, pas le grand capital, mais le bourgeois du coin, quoi. Enfin, le milliardaire, pas George Soros. Groupes font de l'optimisation fiscale. Ça, c'est assez évident que Google, etc., ils vont faire de l'optimisation, Starbucks et compagnie. Ce qui fait que... Oui, non, ça n'a pas rapport avec l'ISF. L'ISF, c'est vraiment c'est le particulier. Quoi, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Voilà. C'est précisément ça. Ouais. Par contre, il y a une vérité. Ouais, justement, quand les Gilets jaunes disent le système avantage les hyper riches, au détriment des pauvres, c'est pas totalement faux. Un type qui est, on peut pas suspecter d'être un communiste, qui est Charles Gave, par exemple, il a expliqué dans une émission de chez TADI, là, Russia Today, l'idée des, des taux d'intérêt négatifs voulus par la BCE. C'est une catastrophe, ouais. Voilà, il a expliqué que tous les gens de la BCE étaient passés par la Goldman Sachs et que ça lui avait été confirmé par des gens. Qui sont, qui dirigent la certaine partie de la Fed aux États-Unis, qui lui ont dit que depuis des années, il y avait une sorte de plutocratie, là, employez ce mot, qui avait pris le contrôle des États-Unis et aussi, par conséquent, de la BCE. Et ce qui fait que, en gros, un groupe comme Goldman Sachs va obtenir des informations de première main avant tous les autres, parce qu'ils ont quelqu'un à eux qui travaille pour eux à la BCE, et que du coup, ils vont racheter plein de trucs parce que, par exemple, il disait un groupe comme, un groupe financier comme Accor, qui est un groupe dans l'hôtellerie. Eux, du coup, s'il y a des taux d'intérêt négatifs, ça va être très facile pour eux de lever 300 millions d'euros, par exemple, et de racheter dans la montagne des hôtels familiaux, etc. Donc, ils vont racheter à la famille, qui va être bien assez contente quand même de toucher cet argent-là. Et puis, du coup, après, ils vont mettre des gens anonymes comme ça, et aussi dans l'industrie. Puisque les taux d'intérêt sont négatifs, des gens vont avoir tendance à acheter des choses qui vont rapporter, mais à court terme, ne pas créer d'emplois, quelque chose qui pourrait se développer sur 10-20 ans, mais essayer un petit peu comme des vampires de prendre le truc, d'essayer de le presser quoi. Comme un citron. Voilà, c'est ça, de presser l'industrie existante déjà comme un citron, et puis ensuite, au bout d'un an ou deux, les gens n'auront plus de boulot, et puis le truc va couler, etc. Donc, alors que si on met des taux d'intérêt à 3-4%, il expliquait, finalement, ça va créer quelque chose ça va inciter les entrepreneurs et les grands groupes à créer des choses qui sont plus pérennes. Et ça va être plus favorable à l'économie en règle générale. Bah, de toute façon, les taux zéro, c'est absurde. Parce que c'est croire que d'abord ils n'ont pas donné cet argent-là. Enfin, les fameuses émissions monétaires n'ont jamais été injectées dans l'économie réelle. Elles sont restées entre les mains des banquiers qui les ont accumulées. Deuxièmement, cette histoire de taux zéro est absurde parce que c'est croire que parce que c'est à taux zéro, les gens vont investir. Non, les gens n'investissent, peu importe le taux, que s'ils savent qu'ils feront un bénéfice sur un an, deux ans, enfin peu importe la durée. Mais c'est au regard de la confiance. Ils ont la certitude que sur la durée de leur investissement, le bénéfice généré sera tant. Donc, on peut avoir des taux à 8% si on sait qu'on va en générer 15, par exemple. Évidemment. Bon, mais ces gens-là ne sont pas du tout dans cette optique-là. Donc, on s'écarte un peu du sujet, mais bon, c'est fondamental. Mais c'est, pour en revenir à ce que tu dis, effectivement, l'ISF, c'est typiquement de la gauche du capitalisme juif pour pousser le prolétariat sous hypnose médiatique juive contre le bourgeois de son propre quartier ou de sa ville, si vous voulez. C'est toujours la même chose, c'est alimenter la guerre civile entre les gens de même race et d'une certaine façon de même intérêt, même s'il peut y avoir évidemment des tensions entre les bourgeois, etc., c'est pas le problème. Mais comprenons quand même, il y a quand même une réalité d'échelle entre la grande finance internationale qui peut mouvoir des centaines et des milliers de milliards d'euros et de dollars et le bourgeois de votre ville. Je dis pas que c'est quelqu'un qui est forcément admirable ou amical, mais je veux dire, il y a quand même une réalité d'échelle, si vous voulez, dans cette guerre économique. Or, cet hameçon-là est un hameçon électoraliste, parce que les démagogues d'extrême gauche ont besoin d'une cible identifiable à livrer aux masses zombifiées qui ont la faiblesse de les écouter. Et s'ils commencent à parler de grand capital, etc., de toute façon, les premiers intéressés, à savoir la banque juive, les médias juifs, vont leur tomber dessus. C'est-à-dire que si demain Mélenchon se met à parler du grand capitalisme, de la grande finance internationale qui exploite les peuples, etc., en étant un petit peu précis, hein, voilà, il va se faire attaquer sous l'angle de l'antisémitisme. C'est inévitable. Donc il ne peut pas aller aussi loin, il n'ira pas aussi loin, et de toute façon, lui-même, par conviction, n'ira pas aussi loin. Mais c'est beaucoup plus facile de dire « Ah, regarde-moi ce salaud de bourgeois avec sa baraque à 500 000 euros. » Ou 1 million d'euros, peu importe. Alors, ça se trouve, il a peut-être hérité, on n'en sait rien. Ce que je voulais dire, c'est que ça coûte, on dit que ça rapporte 3 milliards, mais il y a tout le côté paralysant de l'impôt. C'est-à-dire que si les petits bourgeois n'avaient pas à payer cet impôt, ils le réinvestiraient dans d'autres trucs. Voilà, tout simplement. Quoi. Et puis, 3 milliards, mais quand on sait que l'immigration, c'est au moins 100 milliards, le simple truc, la prise en charge des migrants mineurs clandestins, ils appellent ça les mineurs isolés étrangers, c'est encore des trucs, et ça coûte 1,5 milliard juste la prise en charge directe. 50 000 euros par personne au moins. C'est complètement fou, et on parle que des mineurs, là. D'accord ? Donc ça va très très vite, l'immigration clandestine. Vous dites juste ça. Et je ne parle pas, attention, de ce que ça coûte indirectement, c'est-à-dire en termes de suivi de police, etc., parce que tout ça, c'est insupportable, hein, tout ce qui se passe à la suite. Et ben voilà, là, vous dites, ISF, parlons de ce qui coûte vraiment du pognon, et là, il n'y a plus personne. Donc vous voyez, c'est des manipulations, et malheureusement, les médias qui ne sont pas idiots, et les groupes d'extrême-gauche qui tapinent depuis toujours, de toute façon, pour l'internationalisme bancaire, objectivement ou simplement par idiotie, elle relaye ces conneries là. Et puis ensuite il y a les gogoles, comme Fly Rider quoi. T'as une nouvelle maraude là que j'ai entendu là chez les Gilets jaunes. Ouais. C'est vouloir taxer tout ce qui est industrie du luxe. Ils veulent vraiment détruire l'économie française. C'est le dernier secteur en France qui n'a pas été délocalisé en Chine. Hein. Tout le reste, l'industrie lourde, etc., les biens de consommation plus classiques, ça vient pas de France, hein, c'est tout fabriqué ailleurs. Il reste des trucs qui sont fabriqués en France, un artisanat, un savoir-faire. Allez, on va y foutre des taxes dessus. Tu vois, et dans la Chine, à tout faire et que nous, on ne fout plus rien. C'est débile, débile, débile. Ça, entre l'ISF, chasse. Putain, j'ai vu la vidéo de l'autre, là, Osons causer, l'espèce de youtubeur. Ah bah les marxistes. Ouais, joue plus, ils sont tous là, ils arrivent. Oui, attention, le gosse à barbe. Ouais, alors, ouais, l'évasion fiscale, ça nous coûte à tous 150 euros par mois, voilà, c'est pas bien, machin. Bah ouais, non, mais les mecs se barrent parce que tu les voles, hein. Tu fais des. les mecs ont l'impôt, tu vois. On détruit. Je crois que l'impôt sur le revenu, tu as 2%, 2% qui, des contributeurs qui contribuent à 40% du total d'impôt sur le revenu. Bon, ouais, donc posez-vous déjà des questions là-dessus. Et s'ajouter là-dessus l'ISF. C'est-à-dire que ce que tu as gagné, si tu as des trucs, ben hop, on coupe dessus. Alors, c'est absolument délirant. Et donc les gens disent, ouais, non, mais c'est pas normal, l'ISF, c'est à nous. Quoi. C'est à nous. Pourquoi, comment? Alors que dire des droits de succession, tu as été taxé sur tout, t'as travaillé, t'as du pognon, t'as réussi à mettre un petit peu de pognon, tu crèves, et allez, on revient, tout ce qui ça a déjà été imposé, on te réimpose dessus, c'est merveilleux. Ça c'est les frais de succession ça. Ah ouais, non, mais le problème de cette folie, comment dirais-je, étatiste et marxiste, c'est que c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire que ouais, Macron est un étatiste et dont les présupposés économiques, contrairement à tout ce que j'entends, c'est un libéral, etc. Oui. Macron se pense peut-être comme un libéral, mais en réalité, ces concepts élémentaires sont des concepts, comment dirais-je, totalement dirigistes. Il y a qu'à voir le fiasco. Partout, tout ce qu'il a touché. Projets qu'il a touchés, ça a fini en désastre. Hein. Économie libérale, hein, on en a parlé la dernière fois, le salon de le CES à Las Vegas. Ah oui, c'était drôle. Hein, voilà. Donc, ça n'existe pas. Là, c'est l'économie planifiée de A à Z. Ouais. C'est-à-dire qu'on envoie le truc avec les colcos locaux qui t'envoient l'inventeur du tire-bouchon. Au secours, quoi. Les poulaillers régionaux sous la direction des élus socialistes de la Beauce. On les envoie à Las Vegas. Voilà. Donc, le truc totalement absurde et dirigiste. Donc, il n'y a rien de libéral là-dedans. C'est du bolchevisme. C'est du bolchevisme dirigiste. Alors, on n'y est pas encore tout à fait dans le bolchevisme, mais on va y être. Hein. Les juifs y veillent. Vas-y, Alex. Oui, il y a un concept qui a développé notamment Charles Gave, dont je parlais un peu. C'est le capitalisme de connivence, c'est-à-dire, pour lui, Macron, c'est un des spécialistes, et la France est spécialiste de ça, c'est-à-dire pour être riche, il faut, en France, être proche du pouvoir, pour avoir les bonnes informations, pour échapper aux contrôles fiscaux, pour avoir les bons tuyaux, les bons trucs et tout, il faut être copain-copain, et puis comme ça, vous pouvez après... Parce qu'il y a aussi un truc sur l'ISF, c'est que les gens, par exemple, comme Fabius, qui sont dans l'art, enfin, qui ont des tableaux, des œuvres d'art, quand on a des œuvres d'art, du coup, on peut enlever ça de son patrimoine, on peut le sortir du patrimoine, ce qui fait que ça peut éviter de payer l'ISF, par exemple. Donc tout ça, c'est un truc, une combine, quand on est très proche des ministres, ça, c'est une combine qu'on a directement. Puis je parlais de Goldman Sachs, qui a tous ses petits copains qui sont à la BCE, dont Mario Draghi, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Non, mais ce que je veux dire avec cette fuite en avant stato-marxiste, c'est que, comment dirais-je, vous pouvez toujours être plus royaliste que le roi. C'est la fonction de Mélenchon et comment dire, de toute façon des communistes, enfin de la gauche en général, des communistes au sens strict, peu importe les partis, les orientations. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est de dire on va augmenter les impôts. Alors augmenter les impôts, c'est très abstrait. On va aller prendre l'argent aux gens pour leur bien. Faites-nous confiance. Vous voyez ? Et ils disent, Macron prend pas assez d'impôts. Et c'est pour ça que vous avez tout... En fait, qu'est-ce qu'ils disent, là, tous ces gauchistes ? Ils disent, regardez l'évasion fiscale. Ça peut être une réalité, l'évasion fiscale. Je veux dire, au plan légal, effectivement, il y a des gens qui prennent leur blé, qui vont à l'étranger, etc. Bon, il y a des causes. Pour ça, t'en as bien parlé, Derek. Mais les types vont toujours sur ce terrain. Alors là, même le maire, Bruno Le Maire, là, le ministre actuel des Finances, il a dit, mais non, on va taxer Google. Bon, j'ai regardé le volume de taxes, c'est une blague. Hein, je veux dire, c'est pas des taxes énormes, machin, c'est symbolique, tu vois. Mais, c'est-à-dire que quand le peuple leur dit, putain, on n'en peut plus, on crève, il y a trop d'impôts, c'est quoi la réponse de tous ces marxistes, crypto-marxistes, socialistes, étatistes, en tout genre? Ils disent, ah oui, vous avez raison, vous avez raison. Il y en a un, là, il paye pas assez d'impôts. Vous avez raison, c'est vrai, c'est autant pour moi. Il n'y a jamais personne Notez bien, il n'y a jamais personne qui dit « on va baisser les impôts ». Personne. Si, il y avait les gilets jaunes dans le premier mois. Voilà, y a, ni dans le gouvernement ça, Macron, ni dans le gouvernement Macron, ni chez les Républicains. Les Républicains disent « oui, on va baisser les impôts ici, un peu là ». Vous en faites pas. Ils sont au service de la même banque juive qui rase tout le monde. Donc voilà. L'extrême gauche, c'est ah ben là, l'extrême gauche, ah non, on va en prendre encore plus. Et là, vous allez voir, on va taxer les riches. Ah ouais, comment vous faites comment? Ils sont à l'étranger, vous faites comment? Comment ils font? Tu vois, c'est facile de dire ça. Bah, on va taxer le capital. Comment? Il va taxer la banque new-yorkaise? Comment ils font ça? Ou alors ils veulent une police politique pour aller chercher les expatriés. Qui fuit l'enfer fiscal français. Bien sûr. Oui. Bah oui, mais ils veulent ça. Hein. Alors, ils veulent certainement une police politique, mais comme ils sont pas trop cons, ils vont comprendre que leur police politique ne peut être réellement efficace que sur le territoire français. Donc, on en revient à notre pauvre bourgeois qui a sa bicoque qu'il a héritée et sur laquelle il doit payer des impôts. Lui, on peut aller le chercher chez lui à 6h du matin parce que on va lui dire qu'il a pas payé des impôts, qu'il n'avait pas à déclarer parce que en France, on a créé ce concept fabuleux, comment dirais-je, de mais j'ai oublié cette notion juridique là. Rétroactif. En France, on a créé le principe des impôts rétroactifs. Est-ce que vous saviez ça? Non. Vous le saviez pas? Mais je vous dis, quand je vous dis que la France est un État soviétique, c'est pas des conneries. La France a, depuis déjà un bon moment, gravé dans sa loi le principe des impôts rétroactifs. C'est-à-dire que le ministère des Finances dit ah ben on a changé de loi. Maintenant, il faut payer tant d'impôts sur tel truc. Ah, en fait, c'est valable, comment dirais-je, c'est valable à partir de la promulgation de la loi, mais en fait, c'est valable depuis 10 ans. Donc, c'est rétroactif. Ils antidatent, si vous voulez, quoi. Donc, ils proclament une loi et ils viennent vers vous et vous disent, bon, bah, vous avez des arriérés d'impôts à nous, vous nous devez des arriérés d'impôts. La loi n'était pas en vigueur, d'accord? Bon, ça existe en France. La rétroactivité de l'impôt existe en France. C'est de la folie furieuse. Mais tout va bien. D'accord, ouais, c'est Romain Desbois. Et bah, tu me dois ça. Ah bon, depuis quand? Ah bah depuis que je l'ai décidé, maintenant tout de suite, là. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, bon. Donc il y a une fuite en avant de ce côté-là, et effectivement, au départ du mouvement des Gilets jaunes, il y a une contestation face à ça. Face à ces charges qui existent toujours, ne vous leurrez pas. Hein. Je veux dire, les gens sont toujours autant voire plus écrasés d'impôts. Vous avez vu, c'est fascinant. Vous avez vu la loi sur l'alimentation? C'est immonde, c'est odieux parce que ça touche les gens les plus pauvres en priorité. Hein. Ah oui, mais c'est carrément un cartel de l'agro-business, c'est-à-dire la spéculation. C'est vraiment c'est digne de la spéculation sur le grain. C'est un cartel de distributeurs qui se sont entendus pour personne faire des marges trop basses. C'est ça, voilà. Alors on retrouve là-dedans toute une série d'acteurs. Non, et Macron, tu as toutes les plateformes de distribution de la grande distribution, justement. Voilà. Macron s'est engagé à le faire, il le fait. Et en fait, il dit oui, c'est pour aider les agriculteurs. Mon cul, c'est faux, il n'y a pas de mécanisme prévu pour ça. Ouais. Il n'y a aucun mécanisme. Par contre, les gens vont payer. Et en plus, là c'est du dirigisme. C'est-à-dire que c'est vraiment de la manipulation des prix. Mais la manipulation des prix, vous savez, il y a eu de la manipulation des prix parfois dans des phases de communisme avancé, je veux dire. C'est dirigisme et monopole. Donc c'est-à-dire c'est ça. C'est vraiment le truc le plus illibéral qui soit. C'est-à-dire qu'on augmente les prix de manière dirigiste, donc dans la meilleure tradition marxiste, mais pour engraisser les pires groupes capitalistes qui existent en France. C'est hallucinant. Ouais. C'est le pire du socialisme, le pire du communisme, quoi. Le pire du capitalisme. Vas-y, Alex. Ouais, pour ce qui est des traitements, pour ce qui est des semences, etc., il y a Bayer, Monsanto qui ont d'ailleurs fusionné, quoi. Ça, c'est un exemple aussi l'agriculture de conneries de la part de beaucoup de gauchistes. C'est-à-dire qu'ils vont désigner celui qui a, par exemple, je sais pas, 50 hectares... et qui cultivent 50 hectares, ils vont le désigner comme le salaud qui appauvrit tout le monde et qui pollue. Alors c'est vrai que parfois il peut y avoir de la pollution, mais de toute façon il est obligé de le faire dans des normes européennes, les normes européennes qui ont, dans tous les domaines, qui ont détruit par exemple la pêche artisanale, enfin tout ce qui est agriculture, etc. Les petits ont à chaque fois été laminés, tout ça au profit de Bayer-Monsanto, puis On le sait, il y a beaucoup de commissaires européens comme Max Chary, qui était commissaire à l'agriculture, qui a signé tout un tas de contrats et qui ont foutu en l'air en définitive l'agriculture, notamment française, qui ensuite ont été, qui sont rentrés dans des conseils d'administration, Bayer, Monsanto ou ce genre de trucs, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ont travaillé pour les hyper, hyper gros qui ne sont jamais montrés du doigt. Exactement. Bien sûr. Alors, je voulais qu'on revienne à notre article de départ. Sur le terrain, en fait, dans le grand débat. Donc là, on a bien parlé des gilets jaunes, de cette espèce de... Alors, Julien, qui représente pas le mouvement, selon moi, il y a des éléments d'extrême gauche, indubitablement, bon, ça depuis l'origine. Il y a une cooptation médiatique qui est là aussi depuis l'origine, parce que hein, on a essayé bon, la nécromancienne là. Comment dirais-je, Jacqueline Moreau, bon, ça a pas pris. Ensuite, ils ont essayé Cauchy, ça a pas pris. Ils ont essayé la Rouquine, vous avez remarqué, elle a disparu des écrans radars, hein, sa liste européenne, bon, avec Bernard Tapie, ça prend pas. Bon, ça fait quand même un bon moment qu'ils essayent de pousser des gogoles comme ça pour essayer de récupérer le mouvement, quoi, on le voit, bon. Mais le mouvement est organique. Avec son aile gauche, son aile droite, il y a des stupidités, mais. On a bien expliqué tout ça, voilà, il y a, les médias veulent que, comment dirais-je, résumer en fait la narration dans une direction. Maintenant, la façon dont Macron organise son affaire, là, sur le terrain, et dont on a parlé au tout départ, j'y reviens, parce que ça, c'est l'autre côté de la pince. Alors, en marinière grise et rose, Marinette, une Beauvaisienne de 70 ans, rigole. J'ai voté Macron comme beaucoup de retraités. Et je suis même encarté en marche. Mais il y a des choses qui m'ont gêné. Le plafond fixé à 1 200 € exonéré de la hausse de la CSG, c'est quand même bas. Une récrimination des plus mesurées par rapport à la salve des critiques formulées tout au long de la soirée. Donc ça continue après, hein. Brièvement, là, sur ce qu'elle vient de dire, cette retraitée, qu'est-ce que... Ça coince, apparemment. Eric, ça te dit quelque chose, là, ou pas spécialement? Oui, les vieux. Je continue. Plus virulent, Didier, gilet jaune, barbe et bonnet gris. Prend le micro pendant la réunion sans mâcher ses mots. Je suis retraité, ça se voit sur mon visage. On a stigmatisé la population des retraités avec la hausse de la CSG à 1,7% sans qu'on voit la situation s'améliorer, estime-t-il, avant de réclamer une hausse des minima sociaux. Michel, 70 ans, s'indigne devant l'état des services publics qui se dégradent. Je répète, hein, Michel, 70 ans, s'indigne devant l'état des services publics qui se dégradent. Gilet jaune sur le dos, Henri, 66 ans, ancien employé de la ville de Beauvais, explique que même avec une bonne mutuelle, il a dû y aller de sa poche pour des examens respiratoires malgré sa faible pension. CSG, coût de la santé, délabrement des services publics, désindexation des retraites, tous déballent ce qu'ils ont sur le cœur dans le calme. C'est... Je continue pour c'est te faire pénible, un peu de mal. Hein. Nombre de ces retraités croient aux vertus du dialogue. Ah, écoutez, c'est intéressant ça. Après avoir été secoués par les images de casse ou de violence diffusées à la télévision pendant les manifestations de Gilets jaunes, à 76 ans, Raymond, ancien responsable d'un service de santé, s'avoue perplexe face aux contradictions de ce mouvement. Les revendications sont intéressantes, mais il aboutit à un risque d'impasse par son refus d'organisation, de dialogue, auquel s'ajoute la violence. La foi dans le débat, un réflexe générationnel? Du propre aveu de Raymond, son investissement dans la discussion nationale tranche singulièrement avec l'indifférence de sa fille. Donc là, il parle du débat de Macron. Hein. Ce déséquilibre dans la... Donc en fait, il dit que sa fille s'en fout. Sa fille s'en fout, quoi. Donc lui, c'est un retraité, un truc public sanitaire, 76 ans. Lui, il veut discuter, hein. Il veut des sous, hein. Il est prêt à parler avec. Voilà. Voilà. Non, mais ça, il faut c'est pas ça. Ces gens ont été toute leur vie dans l'institution publique, dans les syndicats, à parlementer, ouais. À faire de la discussion, de la dispute talmudique pour obtenir des privilèges, hein, parce qu'ils et donc comme ils ont râlé, tu vois, pendant toute leur vie. Ils estiment qu'ils ont mérité les sous qu'ils ont, hein, qu'ils ont eu. Alors en bon français, on appelle ça des parasites. Oui, oui, on appelle ça des acquis sociaux, on appelle ça. Des acquis sociaux. Donc là, ils viennent, alors maintenant, ils viennent pour discuter pour en avoir plus. Parce que là, sa retraite à 1200 balles, c'est pas assez. Alors, je suis désolé, quand tu es un boomer, hein, tu as eu droit à des taux. Là, on parlait de l'argent gratuit. À l'époque, tu avais des taux qui étaient hauts, hein, les taux pour des emprunts, mais qui étaient. Avec l'inflation, c'est juste pas oui, possible. Voilà, c'est ça. En fait, ils avaient des taux qui étaient hauts, mais qui étaient infiniment plus bas que l'inflation. C'est-à-dire qu'ils avaient de l'argent plus que gratuit. Ils ont pu acheter plein de trucs. S'ils l'ont pas fait, c'est tant pis pour eux qu'ils accueillent leurs yeux pour pleurer. Je suis désolé. Et non, mais 76 ans, ce type n'a pas le droit de se plaindre. C'est absolument, c'est obscène. C'est obscène de voir ce type-là venir et il se plaint que sa fille n'en ait rien à foutre de sa discussion de vieux connard dans lequel il demande du fric. Putain, mais. Alors, j'ai pas cité ce passage-là, mais il continue sur le cas de sa fille. Sa fille est beaucoup plus précaire que lui, en fait. Bah oui, il est beaucoup plus précaire. Ils ont. Elle est, je crois, intérimaire. Elle s'en sort très très mal. Enfin, c'est très dur pour sa fille, quoi. Et donc il dit, c'est dans ses mots. Hein. J'ai pas cité cette partie-là. Ouais, mais bon, il dit, je comprends pas parce qu'elle est plus précaire que moi, mais elle veut pas participer au débat. Ben oui, connard, oui. Elle n'est pas dans une situation où elle a suivi le parcours fléché, parce que nous, le parcours fléché, il n'y en a pas. Hein, le parcours fléché, c'est tu es dans un pays, tu dois vivre parmi les nègres, les bougnoules quand ça leur prend, ils prennent un couteau, ils t'égorgent, et puis après, bon, ils font un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, on leur fait siffler avec les oiseaux, puis après ils ressortent. Oui, sauf quand un brave nègre est régularisé sur demande d'un gendarme, quand même, parce que. Voilà. Non, voilà, donc ces boomers sont obscènes. Un boomer qui a plus de 1000 balles de retraite et qui se plaint, il mérite de la chaise électrique. Voilà. Alors, je continue. Ce déséquilibre dans la pyramide des âges n'a pas échappé aux organisateurs macronistes. Hein. À l'initiative du débat de Beauvais, la militante de la République En Marche, Venuccia Wimber. Vous en pensez ce que vous voudrez, hein. Vous voudrez. Voilà. Admirer, hein. L'admet. Malgré le succès de cette réunion qui a attiré 250 personnes, il y avait très peu de jeunes, d'étudiants. Et de tenter une explication, pour les étudiants, c'est difficile de venir à une heure aussi tardive. Le député LERM du Finistère, Jean-Charles Larsonneur, organisateur à Brest, le samedi 19 janvier, d'un café citoyen, ouais, tu m'en diras tant, partage l'analyse. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes à mon goût, reconnaît-il, c'était un public de personnes en emploi, donc pas au chômage quoi, des retraités ou des plus de 40 ans. Oui, donc c'est les encartés En Marche, en fait, quoi. Au centre-ville de Tourcoing, le 29 janvier, des militants En Marche ont privatisé à partir de 18h30 le premier étage d'un café-salon de thé, le Torréfactory, pour y tenir une réunion du grand débat sur le thème de la fiscalité. Derek, accroche-toi. T'es assis ? Ça y est, je mets ma ceinture. C'est OK. Sur la vingtaine de personnes présentes, l'écart d'âge varie du simple au quadruple entre la jeune organisatrice, Romane, 20 ans, et le doyen des participants. Preuve de sa motivation, à 80 ans révolus, celui-ci s'est muni d'une canne-chaise pliante pour être sûr d'avoir un siège et pouvoir ainsi dérouler sereinement sa vision de, je cite, « l'optimisation des finances publiques ». Oui. Donc le vieux qui te suce ton sang veut optimiser, tu vois. Ah, il faut très certainement optimiser les finances publiques, il n'y a pas de problème. Oui. Mais il va pas les optimiser de la même façon que je les optimiserais personnellement, tu vois. Moi non plus. Je suis pas sûr, si tu veux, les dépenses de santé, je suis pas sûr qu'il les baisse, par exemple, tu vois. Je suis pas sûr qu'il abolisse la sécurité sociale. C'est pas certain. Voilà. Comme d'autres, Romane, militante LREM et étudiante à l'École européenne des sciences politiques de Lille, déplore cette surreprésentation des anciens. C'est dommage, soupire-t-elle, les personnes âgées ont fait leur vie, mais elles ont peut-être plus de temps. Même le Premier ministre Édouard Philippe a confessé le 30 janvier sur France Inter que la jeunesse est un angle mort du débat. Ah bon. D'où vient cette désertion des jeunes ? Il est difficile de les attirer dans la vie politique, remarque Romane. D'ailleurs, ils sont peu inscrits sur les listes électorales. Pour la professeure de sciences politiques Céline Braconnier, co-auteure de La démocratie, l'abstention, voilà qui relève de l'évidence. L'écart de participation avec ceux qui votent le plus, les 65-69, et est de 35 à 40 points dans des élections comme les élections européennes. Voilà, donc c'est-à-dire que les boomers sont plus et ils votent plus. Ils votent plus, voilà. Alors, non, mais c'est pour ça. Alors, pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que ça va être les élections européennes. Ils vont nous matraquer. Et qu'est-ce qui va se passer? Les boomers vont aller voter. Bien sûr, bien sûr. Il va rien se passer. Il va rien se passer. Toutes les élections en France sont. Voilà. C'est ça, oui, bien sûr. La décision se fait par le vote boomer. Donc, c'est même pas la peine d'y aller, c'est les boomers qui décident. Tant que cette génération de merde n'est pas crevée, bah, on n'arrivera à rien. Alors, je précise donc que les boomers ont actuellement 70 ans en moyenne. 65-70. 65-70. On a encore moins 15 ans à tirer. Hein. Voilà, mais les retraités de la fonction publique, eux, comptent bien vivre jusqu'à 95 ans. Hein. Surtout les professeurs. Hein. Oui, bah. Enfin, ah oui. Je sais pas comment on va faire pour. Non, mais même avec le. Même avec un coup de baguette de la finance hébraïque, ça va être difficile. Hein. Bah, il y en a qui vont se noyer dans leur merde quand même. Hein. C'est-à-dire que sainte canicule, priez pour nous. je suis désolé, mais pour le coup, je veux croire au réchauffement climatique, moi, tu vois. Oh, ils ont les moyens de se payer la clim, malheureusement. Non, pas ça frapper va... froid avec la clim, enfin, attention. Non, sinon, ça nous amène à... Une bonne grippe estivale, il n'y a rien de meilleur. Tu sais, des beaux champignons dans les radiateurs de la clim. Hé hey, les gars, 1000 euros pour un retraité, je suis désolé, c'est quand même pas grand chose. Ah non, mais on parle pas de cela. Moi je parle pas de cela. Moi je parle des profs en retraite qui ont 2500 euros et qui comptent bien les toucher. Non, moi je parle de tous ces clients-là. Non, c'est déjà trop. Je suis désolé. Pour moi. Un ex-cadre, un ex-ingénieur, même un qui gagne 2000-2500 euros de retraite, pour moi ça ne me choque pas plus que ça. Oui, mais il y a un moment, il y a une réalité démographique aussi. Hein, il voilà, y a un moment donné où tu sais, quand t'as pas fait de gosse et tout, alors je vois à la limite que tu aies des retraites qui fonctionnent du nombre de gosses, c'est très important. Ça serait indexé sur le nombre de gosses que t'as eu, ça serait déjà plus juste. Que là, exactement. Ouais, j'ai droit à ma retraite. Ah bon. Moi, je vois des nègres partout. Tu n'as droit à rien. Mmh. Voilà, tu as droit de crever. Non, mais ce qui est vrai, c'est que ces gens n'ont pas connu une chose qui est en fait l'alignement des salaires vers le SMIC. Ça, les retraités n'ont. Oui. Non, l'alignement des salaires vers l'Afrique aussi. Oui. Oui, vers l'Afrique. Mais c'est vrai que bon, y a quand même des gens qui ont été très très bien payés en France, qui n'étaient pas forcément des foudres de productivité et qui ont vraiment eu tout eu, quoi. Je veux dire, ils ont pu accumuler on ça, la fonction publique, cher Magda. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais bon, tu enfin, vois, je suis pas persuadé. Je suis d'accord, tu vois, il y a plein de boomers qui sont vraiment des merdes. Mais. Non, mais de toute façon, il va falloir miser sur l'avenir, je veux dire. Mais c'est pas la peine de créer une guerre de génération. Mais elle aura lieu. Non, mais. Parce que de toute façon, ils nous font la guerre, de toute manière. Non, mais même au-delà de ça, de toute façon, en plus du fait qu'ils tiennent le système, que leurs valeurs sont au pouvoir, etc. Mais en plus de ça, de toute façon, leurs retraites, elles sont pas payées. Donc, Sont pas payées. C'est un système de répartition. Donc, vu qu'il y a quasiment pas de matelas. À partir du moment où les jeunes générations seront incapables de payer, eh ben les vieux ne toucheront plus ou ne toucheront moins, c'est tout. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ça. Ben voilà. C'est ça, la hausse de la CSG. Ah, Omar Sy. Omar Sy est en train de... Omar Sy est dans son sous-marin et veut te kidnapper encore. Il grogne. Il dit, non mais... Parce que le public d'Omar Sy, c'est des boomers. Hein. Méfiez-vous. Non, je suis désolé les gars, c'est vraiment de la merde. Non, c'est ma connexion est merdique. Mais comment dire, on est dans la crise du système des retraites. Le truc qui est marrant, c'est que le taux zéro, socialiste défend, c'est le socialiste dirigiste quoi, voulu par la finance, etc., est en train de ravager les systèmes de retraite en Occident, Parce que évidemment, pour payer la retraite à tous ces gens qui ont placé leur argent, bah, il faut leur donner leur taux d'intérêt. Or, on l'a effacé. Ça a commencé à être compliqué, cette histoire. Et vous allez voir que ça va faire sauter tout le monde occidental. Non, mais c'est une pyramide de Ponzi. Pyramide de Ponzi qui repose sur la... Sur, comment dire, sur le postulat que le nègre va venir enrichir et payer les retraites. Alors que le nègre coûte... quand il arrive, à la limite, peut-être parce qu'il gaspille de l'argent public, ça fait un effet... c'est genre, je sais pas, t'envoies une pierre dans l'eau, ça fait des vagues, tu vois. Mais c'est tout. Bah, c'est-à-dire que tu as une génération, la génération des boomers antifascistes, bâtie sur les ruines de la guerre juive de 1945. Oui, les ruines de l'Europe. Voilà, les ruines de l'Europe, qui sont dans une logique double, c'est-à-dire l'hédonisme, ce que l'individualisme a de plus sinistre. Et de l'autre, le refus des responsabilités qu'offre ce qu'ils pensent être le socialisme tel qu'ils l'ont conçu, c'est-à-dire je mise non seulement sur les autres, mais surtout sur les générations futures, le soin de payer par là où je passe. Parce que c'est ça, les dettes qu'ils ont constituées, qui sont énormes, qui reposent sur les nouvelles générations, ont été consenties par eux dans l'idée je repousse à demain les dépenses que je fais aujourd'hui, etc., etc. On arrive à un système aujourd'hui où, entre-temps, hédonisme aidant, ces gens-là n'ont pas fait suffisamment de gosses pour financer leur propre système. Ce système de déresponsabilisation générale. C'est logique. Je me sens pas responsable, pourquoi je ferai des gosses autant que je m'éclate et que je profite du système. C'est toute cette logique, donc, comment dirais-je, hédoniste socialiste, c'est très bizarre hein, comme diptyque, mais c'est vrai, qui a détruit l'Occident. Parce que maintenant, on a un collapsus démographique et racial, que la finance juive, qui est assise sur l'épargne, entre guillemets, que ces gens-là ont constitué, ou dont ils ont hérité, veut maintenir à tout prix, moyennant quoi, l'invasion de l'Europe. Et pour les juifs, ça les dérange pas, parce qu'en plus, ils veulent notre peau. Donc les financiers juifs sont très très contents d'envahir l'Europe avec des nègres. Parce que ça tiendra jamais la marée, leur projet. Ça peut pas tenir. Un nègre sera jamais aussi productif qu'un Allemand. Et moi, ils me font marrer. Merkel, elle me fait marrer. Quand elle fait venir 2-3 millions de métèques du Soudan, d'Afghanistan, de Syrie, machin, dans son pays, en faisant croire que ça va te donner de l'ouvrier de qualité allemande, de l'ingénierie de qualité allemande, etc. Ces gens sont fous. Enfin, je veux dire, les traîtres en juivet se sont emparés de tout l'appareil occidental politique, j'entends. Ouais, ils sont en train de détruire l'Europe. Ils sont en train de la détruire, sous nos yeux, maintenant. Ce qui est vrai aussi, c'est que les Allemands ont fait quand même très peu d'enfants, encore moins que les Français. Donc, mais par contre, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Sous Hitler, ils avaient beaucoup d'enfants. Oui, ça dépend des fois, ça dépend des cycles. Mais oui, ils ont peu de gens, mais en général qualifiés, de même que les Suisses ou les Autrichiens, c'est sûr. Bon, après, il y a aussi un phénomène, c'est que les immigrés du Mali et autres, même s'ils trouvent un boulot, même s'ils mettent de l'argent de côté, bon, bah, s'ils bossent officiellement, ils vont devoir payer la sécu et tout. Mais la sécu elle-même, c'est un truc qui, ça va se poser la question aussi, parce que quand la sécu a été fondée, il y avait quoi, je crois, 6 personnes qui cotisaient pour une personne qui en bénéficiait, qui était inactive de par son âge, ou etc. Et d'autre part, bah, un immigré, il va avoir tendance à rapatrier une partie de ses économies à, comment dire, à ses parents ou à ses cousins pour qu'éventuellement eux-mêmes puissent venir, ce qui va faire qu'il va moins consommer aussi en France, hein, ou dans le pays dans lequel il vit. En tout cas. Alors, il y a un point que je veux souligner, peut-être que des personnes voudront suivre ce point que je veux évoquer, c'est, on a parlé de Flyrider, vous savez, bon, le type de propos qu'il a tenu. Comment il réduit en fait l'être humain et l'humanité en fait à un tube digestif et que en fait, à ses besoins biologiques élémentaires, ce qui devrait mettre tout le monde d'accord autour d'une table, dixit, hein, arabe, noir, etc. Bon. En fait, cette façon de réfléchir, c'est exactement la façon de réfléchir, ou plus exactement de se comporter, de la génération dont on parle, la génération 68. Donc, hédonisme, déresponsabilisation, socialiste et internationaliste. Voilà, et vacances au Maghreb. Hein, donc ça, bah, voilà. Bizarre, hein. Mais oui, on parlait des vieilles pauvres. Oui, c'est pareil, c'est la même génération, c'est le même truc, c'est le même schéma. Et regardez comment ça déteint sur les enfants de boomers comme Fly Rider, donc plutôt notre génération. Vous avez vu, en fait, le type reproduit le schéma. Reproduit le schéma. Voilà, il faut plus de sous. Il faut plus de sous. S'il manque des sous, c'est qu'on a piqué dans la caisse. Hein, regardez bien. Non, c'est pas parce que quelqu'un... Enfin, excusez-moi. Personne a piqué dans la caisse. Simplement, vous avez claqué, vous avez consenti des dettes énormes auprès de la banque juive, sans vous soucier de savoir si c'était remboursable. Bref, économiquement, c'est absurde. Pour faire quoi ? La fête. Et maintenant qu'il n'y a plus d'argent pour manger, vous dites, mais où est l'argent ? Et là, les types disent, ah bah, on va aller pendre le mec là-bas, lui, il en a plus que moi. Mais attendez, si on suit cette logique-là, je vous assure que l'Europe ne va pas survivre. Hein. Si maintenant, là, au moment où je parle, le principe marxiste de la guerre de classe pénètre, si vous voulez, ce qu'il reste du peuple, qui est en train de se faire submerger par ailleurs par les masses du tiers-monde, essentiellement d'ailleurs musulmanes, ce qui va se passer, c'est que ces masses surexcitées, et avec la complicité d'ailleurs des juifs dans cette affaire, très cyniquement hein, d'ailleurs, hein, ça va aboutir à la destruction totale de l'appareil économique et social. Il va plus rien rester. C'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui attendent que le travailleur blanc... casque. Casque, voilà. Le travailleur blanc doit casquer pour tout ce beau monde. Voilà. Regardez ce que gagnent les vieux, leur retraite. C'est délirant, hein, c'est délirant. Regardez ce que coûtent les nègres indolents, hein, qui sont bons à rien. Ouais. Ah oui, oui, non mais là c'est quand il y a un gosse. C'est même dans les villages. Les migrants, oui, c'est ça, dans les villages, ils sont là, ils sont 50 sur les places, ils foutent rien, ils attendent. C'est une tumeur maligne, tu vois, ils sont là, ils sont posés, là, c'est comme le chat. T'as les chats qui sont dehors, ils dorment, ben, le nègre, c'est pareil. Ouais. C'est pour ça qu'ils chassent les souris, même pas. Ouais, sans compter le nombre de comités théodules, d'associations d'utilité publique qui touchent de la subvention à gogo. Ouais. Non, tu peux réduire le train de vie de l'État. Bah c'est simple, c'est 60%. Et il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sous De Gaulle, hein, qui n'était pas un libéral, hein, qui était quand même quelqu'un qui assumait son économisme dirigé, on était à 30%. Donc on peut réduire de moitié. Moi, c'est pas tellement sous l'ancien régime, de l'État ça n'a jamais sur l'ancien régime, ça n'a jamais été au-delà des 13%. Page officielle Wikipédia de l'éducation nationale, dans la partie budget, vous avez la bureaucratie de l'éducation nationale, l'administration coûte 20 milliards de plus qu'en Allemagne, par exemple. Moi, c'est pas tellement le train de vie de l'État que j'ai envie de réduire, c'est plutôt ceux qui en bénéficient que j'ai envie de réduire, en fait. Je pense qu'il faut poser l'équation en bon terme. Mais c'est ça. Là, on est en train. Là, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la partie productive, la partie racialement saine, donc productive de la population française, est en train de nourrir de plus en plus de tumeurs, dont la présence est légitimée par le judéo-marxisme qui sert d'idéologie ambiante à la France. Je pourrais étendre à d'autres pays, mais je me concentre uniquement sur la France, voire la Belgique, parce que Fulbert, hein, c'est pareil en gros, et que comme tout cancer et toute tumeur, il n'y a pas de limite prévue. C'est ce que j'ai déjà dit, je le répète. Il n'y a pas de limite prévue à l'immigration en France. Il n'y a pas de limite prévue au nombre de nègres. Nulle part dans un bureau du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances, il y a écrit « Bon, avec tant de nègres en France, on aura atteint notre quota. Après ça, on ferme les frontières. » Non. Le pacte de Marrakech... Pardon, le pacte de Marrakech, c'est 925 000 par an d'après l'ONU. Hein. C'est-à-dire que ça va doubler encore par rapport à aujourd'hui d'ici un ou deux ans. Quoi. Il y a un truc qui est formidable justement avec ça. Vous m'entendez correctement ? Ouais. Yeah. C'est que, bon, on le sait, les races n'existent pas pour eux, machin, tout ça. Mais les mecs sont capables dans la même phrase de te dire « Le grand remplacement est une théorie du complot, c'est farfelu, arrête au secours. » Et terminé par non, mais l'immigration, il n'y a pas de limite. Ah. Évidemment. Là, tu as envie de leur... Tu les regardes... En fait, c'est ça. Enfin, quand tu es confronté à des gens comme ça, tu les regardes, tu fais des grands yeux, tu fais... Ah. Et là, ça... Non, tu... Non, tu percutes pas. Non, t'arrives pas. Tu... Non, les synapses... Non, d'accord, ok. Pour ça, bon, moi, tu... Je veux dire, la revendication la plus centre, c'est en fait c'est la plus dangereuse parce qu'elle conditionne toutes les autres en fait. Parce qu'il y a des gens qui voulaient parler directement d'immigration, mais en fait c'est conditionné, c'est-à-dire que il peut pas y avoir d'immigration sans avoir ce système, comment dirais-je, marxiste et cosmopolite pour piller les classes moyennes françaises et alimenter tout ce qu'on a décrit là. C'est pas possible. Vous pouvez pas héberger des migrants, vous pouvez pas avoir des associations pro-migrants. Ça ne peut pas. Il faut l'argent. Donc si vous dites... Moi, par exemple, je défends l'idée de supprimer l'impôt sur le revenu. Pour moi, c'est une théorie marxiste qui n'a pas lieu d'être. Je suis pour l'abolition de l'impôt sur le revenu. Bon. Donc tant qu'on ne sera pas débarrassé de toutes ces théories, de ces lubies marxistes, ou du statodirigiste, vous appelez ça comme vous voulez, on n'en sortira pas et ces métastases vont se multiplier. Si on... Aujourd'hui, hein, surtout compte tenu de la situation financière de la France, hein, au plan financier avec sa dette, etc. Pour faire complètement exploser le système, il suffit juste de faire en fait de la baisse générale des taxes et des impôts le cœur d'un programme politique. C'est tout. C'est ça. Vous n'avez même pas besoin de rentrer dans les théories, je sais pas quoi, l'islam, C'est la position la plus révolutionnaire. Voilà. Vous dites, non, il faut baisser, je sais pas, je raconte quoi, l'imposition aujourd'hui, elle est à, c'est quel niveau de prélèvement en France ? Putain, c'est complètement délirant. Mais... 60% ouais, 57% de la voilà, richesse du PIB. Qui... Vous dites, il faut arriver à 35. Vous dites ça et vous arrivez à les convaincre les gens. Il faut un chiffre rond, 33. Dites 33, voilà. 33, c'est un chiffre rond, c'est un tiers. Voilà. Il faut 33% de... Vous faites ça, mais tout le système soviétique français s'effondre. Tout, tout. On ne reconnaîtrait même plus la France, en fait. En bien, j'entends. Si on focalise là-dessus... C'est ce qu'on appelle... Enfin, moi, je dis... Enfin, il faut, à notre niveau, il faut parler des questions raciales, etc., faire l'éducation de l'opinion publique autant que faire se peut là-dessus. C'est important, c'est essentiel, hein. Bien sûr. Et puis surtout les autres questions, questions juives, etc. Mais au plan purement pratique, politique, le truc le plus dévastateur, c'est cette histoire de fiscalité. Si vous coupez le robinet de la fiscalité, toute la machine s'écroule. Et c'est vrai du CNC, on a parlé de visuel du CNC, des médias, de la politique, des migrants, tout se casse la gueule. Tout ce qu'ils font, ils ne peuvent le faire qu'en pillant le peuple français. C'est la seule façon qu'ils ont d'y arriver. Ouais, bah regardez les villes, hein. Dans la plupart des centres-villes, vous avez plus des commerces qui ferment, hein, ou des à louer, à vendre, etc. Pourquoi ? Parce que le petit commerce est écrasé de taxes, c'est une réalité. Là, on ne peut pas dire que ce soit faux. Hein. Mais de toute façon, il y avait en URSS, il y avait la nomenclatura, hein, on disait, il y avait le autour du parti, il y avait des gens, il fallait avoir sa carte, et puis si on avait de la chance, on pouvait vivre assez grassement de tout ça en étant très proche de l'État et de ceux qui le dirigent. Ben, en France, c'est relativement la même chose. Hein. De toute façon, même Solzhenitsyn, qui avait étudié la Révolution française, qui avait étudié les guerres de Vendée, tout ça, il avait dit la Révolution bolchevique, c'est la fille de la Révolution française. Donc là. L'État français n'a été que dans sa logique révolutionnaire de vouloir s'attaquer aux riches, de vouloir s'attaquer à ceux qui voulaient sortir de son orbite totalitaire, hein, quasiment, mais sous couvert de démocratie. Pour éviter que cette destruction n'aille à son terme, il faut neutraliser l'État, sa capacité à lever de manière kleptocratique l'impôt. Point barre, hein, c'est la seule façon de mettre un terme à cet enfer, hein, je vous assure. Hein. C'est la seule façon d'y mettre un terme. Je veux dire, en termes pratiques, quoi. C'est la seule façon. Donc c'est pas un hasard quand vous voyez les médias essayer de ah oui, l'ISF. Voilà. Si vous croyez que cette vieille République... L'ISF, les autres qui demandent des sous pour eux, un tel qui demande des sous pour eux. Ah oui, l'évasion fiscale, etc. Il faut plus de sous pour les handicapés. Il faut... Alors ça, moi, dès que j'entends ça, je deviens fou, parce que... Alors, ouais, les normes de construction dans le bâtiment pour les handicapés, putain, mais enfin, nous, déjà, on a pas de rond, parce que les boomers ont tout pris, mais alors, quand tu veux acheter un truc neuf et tout, maintenant, tu as des normes de fou, qui font que quand tu veux acheter un truc, ben, ça te coûtait une fortune, hein, une fortune, parce qu'il faut qu'il y ait un accès handicapé, tout, des portes larges, etc. etc. Enfin, c'est l'enfer. Et oui, voilà. Tu as raison. Il vaudrait mieux développer les programmes médicaux afin de refaire marcher les paraplégiques et les traplégiques plutôt que d'agrandir les portes. Mais pour ça, il faudrait des sous pour la recherche et que les chercheurs soient autre chose que des branleurs qui soient rémunérés à faire des petites recherches de merde. Non, mais les sous de la recherche, ça se fait s'il y a un besoin pour ça. Donc tu laisses ça au secteur privé, c'est très bien. Moi, je suis très favorable à un investissement massif dans la recherche pour l'eugénisme. Je suis un très grand défenseur de ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Mais alors, vraiment mais beaucoup. Vraiment. Bah, disons que si on veut coloniser les étoiles, il va quand même falloir faire des recherches à un moment, si tu veux. Je suis assez favorable déjà à essayer de recoloniser nos villes. Ça serait déjà pas mal. Oui. Après, sur les transports, il y a aussi une question intéressante. Au départ, les gilets jaunes, c'était la taxe supplémentaire sur les carburants. Mais dans ce cas-là, ceux qui ont, donc à juste titre, les gilets jaunes se sont levés par rapport à cet impôt inique qui correspond à une spoliation. Mais dans ce cas-là, puisqu'en France, on sait quand même faire le TGV, on est quand même des spécialistes des chemins de fer, mais voyez que jamais les gouvernants ont dit, bah, tiens, ni d'ailleurs l'opposition n'a d'ailleurs parlé de redynamiser le chemin de fer. Vous avez en campagne, vous avez plein de choses qui ferment. Il y a quelqu'un qui en parle bien, qui connaît le sujet, c'est André Gandillon, là, de la Revue Militant, donc je vous conseille d'écouter ce qu'il raconte. On pourrait faire tout à fait plein de choses. En France, on est quand même il y a des ingénieurs, historiquement, quand même, dans le chemin de fer. Vous pourriez avoir, par exemple, des gens qui sont dans leur village, qui prennent leur voiture, mais qui font 5 km pour aller à la gare la plus proche. Ensuite, ils prennent le train. Après, ils vont à une autre, dans une autre ville soit pour travailler, soit pour un déplacement de loisirs ou professionnel. Et puis là, par exemple, on pourrait imaginer des voitures qui soient allouées directement sur place, près des gares, hein, parce que d'ailleurs ça se développe maintenant, la location de véhicules. Non, mais c'est bien gentil, mais non, ça fonctionnera jamais un truc comme ça. Bon, écoute, il y a bien des choses beaucoup plus improbables qui se sont réalisées, je veux dire. Non, mais juste, ce que je voulais dire par là, c'est que le gouvernement, ils ne savent que taxer. Ils ont taxé les carburants de façon supplémentaire, mais sans proposer d'autres choses qui pourtant existent. Les chemins de fer, c'est quand même pas. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Non, mais il y a pas de problème de transport. Il y a de problème. Mais bien sûr, c'est simplement qu'ils s'en foutent de ça. Eux, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ah mais vous comprenez, on veut encourager les gens à changer, je sais pas quoi, de transport en mettant des trucs moins polluants. C'est des conneries. Eux, ils veulent plus de blé. Là-dessus, on est d'accord. Je voulais simplement illustrer ça. Oui, les Soviets qui veulent racketter plus, donc les types te disent voilà, alors il faut une belle histoire, dire bah vous comprenez les petits oiseaux quand même, hein, voilà, c'est dur, donc va falloir changer de véhicule, et les types peuvent pas évidemment, mais ça c'est pour ça que après non, mais en si plus, on, c'est si pas on suit leur logique, tu as des endroits si tu veux où tu as des habitations qui ont accès à tous les transports en commun, ça s'appelle les cités. Il y a juste à vider les gens qui sont dedans et à les remplacer. C'est très simple. Hein. Le problème par du transport, Français, quoi, Tu les remplaces par des Français qui ont accès à tout le réseau. Voilà. Voilà, bien sûr. C'est ça pour ça qu'il faut pas rentrer dans ce type de discussion. Ça c'est embrouille talmudique. Moi, je veux dire un truc, c'est que c'est redoutable de la part des médias juifs de faire monter en épingle les thématiques du mélanchonisme. Qui sont enfin du marxisme cosmopolite ou internationaliste, qui sont parfaitement compatibles avec ceux de la finance internationale par définition. Pourquoi ? Parce que en faisant croire que le mouvement des Gilets jaunes, en mettant la loupe, si vous voulez, sur telle ou telle revendication, est un mouvement qui revendique plus d'impôts, ceux qui crèvent sous les impôts se distancient de ce mouvement. Fatalement. C'est-à-dire que si les slogans du mouvement des Gilets jaunes, c'est, peu importe, on s'en fout, l'impôt qui serait revendiqué, je ne sais pas, l'ISF, bon, c'en est un, l'évasion fiscale, c'en est un autre, etc., ou je ne sais quoi, bon, ou revendiquer plus de dépenses publiques, et c'est bon, ce truc-là, bon. Si c'est ça, les trucs qui sont mis en avant, si vous voulez, les gens qui, eux, se reconnaissent dans le mouvement des Gilets jaunes en tant que mouvement antifiscal populaire, les types vont dire, c'est pas du tout, non. En d'autres termes, si tu veux, si tu te transformes en CGT, il ne faut pas t'étonner que ton affluence soit la CGT, c'est-à-dire rien. Hein, la CGT bide depuis au moins 15 ans, hein, ça bide, c'est le gros bide. Bah là, ça devient, c'est plus qu'un bide. Là, ils arrivent plus du tout, du tout. Ouais, mais les gilets jaunes, en tout cas, ceux qui sont mis en avant, tous, le problème qu'on a, c'est que c'est les caméras juives qui décident qui va s'exprimer. C'est ça aussi. Si tu vas au coin de la rue, dans les cortèges, etc., il y a quand même 300 000 personnes encore ce week-end, tu auras des gens tout à fait sains, qui pensent comme nous, qui parlent comme nous. Il est important que ces gens-là me voient balader les autres, hein, parce que bon, là, pour l'instant, on ne voit plus que les gauchistes, je suis désolé. Voilà, là, je crois que c'est central, c'est-à-dire que bon, pour moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a un aspect mécanique, c'est-à-dire que compte tenu de la pression fiscale existante, compte tenu de ce qui va arriver par la suite pour des raisons financières, de dette, etc., et aussi, n'oublions pas que les Juifs jouent leur peau en France, et en Occident en général, et parce qu'ils sont assis sur la banque et les médias, et donc si ça saute, ils sautent avec. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, ce mouvement se transformer en mouvement marxiste. Enfin, je ne vois pas le peuple se marxiser, si vous voulez. Je ne pense pas. Parce que les gens veulent échapper à la kleptocratie mise en place en France. Donc ils veulent en sortir, et ils cherchent un moyen d'expression et de contestation. Donc je ne vois pas, si vous voulez, les gilets jaunes devenir l'auxiliaire du mélenchonisme. Mais on peut brouiller les cartes au plan médiatique, troubler les gens, essayer de les faire... Mais je ne crois pas que c'est un impact suffisant, pour des raisons simplement physiques, de réalité économique. C'est-à-dire que les gens veulent échapper à l'impôt, et ils ne vont pas changer d'avis. Donc l'équation reste entière, si vous voulez, quoi. En revanche, ce que peut faire le gouvernement, c'est de bloquer la contestation en la déboussolant d'une certaine façon, grâce à des têtes qui sont des idiots, qui ne sont pas des têtes en fait, qui ne sont pas des chefs, mais qui sont montés en épingle à dessein. Ouais, des vous avez remarqué, qui, vous avez remarqué qui sont pas forcément mauvais. C'est pas des gens qui ont forcément mauvais fond, ils veulent de l'argent gratuit pour les gentils, tu vois. Bon, c'est le parti goy, parti communiste. Oui, le parti goy. Surtout le parti communiste, parce que c'est ça. Hein, c'est... Ouais, mais vous avez vu comment ils ont essayé de faire greffer, ça a pas marché. Comment ils ont essayé de greffer le cinéma Traoré dans les Gilets jaunes dès le début. Oui. Et avec oui. La négresse horrible. Là. Ouais. Qui appelait la guerre raciale il y a 2 mois tout juste dans les rues de Paris. Elle appelait à la guerre raciale. Bah, sinon, il y avait le revenu universel qui avait proposé Benoît Hamon. Justement, là, c'est vraiment... C'est bizarre que ça n'ait pas été repris par les éléments les plus gauchistes. Ouais, c'était tellement, oui. Mais au départ, Bernard Henri Lévy le défend. Bernard Henri le défend, le revenu universel. Il le défend. Ah, probablement pas avec son argent. Hein, parce qu'en France, soit vous êtes, si vous êtes à la base RSA, vous arriverez à ne pas être taxé. Mais si vous travaillez, et ben là, vous êtes surtaxé. Si vous vous déplacez pour des raisons professionnelles, vous êtes surtaxé. Donc précisément, le gilet jaune au tout départ, je pense que, et j'espère que c'était encore la majorité, c'était vouloir travailler, mais sans qu'on prenne la majorité de cet argent. Hein, et même c'est valable pour tout. Je veux dire, quelqu'un comme Philippe Nemo, là, il écrit un bouquin, Philosophie de l'impôt. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire le bouquin, vous pouvez regarder sur YouTube. Hein. Il y a une vidéo de lui sur ça. Il dit, bon, bah, si l'impôt est trop élevé, ça tue le lien social. Parce que si l'impôt est trop élevé chez le commerçant du coin, vous ne pouvez pas aller boire un café avec votre collègue. Vous pouvez pas aller. Donc en fait, les gens vont se replier sur eux-mêmes. Et on voit ça avec la télévision et autres. Donc finalement, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Les gilets jaunes, sur les ronds-points et autres, ils sont en communauté. Quand ils défilent, ils sont en fraternité. Ils veulent précisément, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, et détruire l'impôt unique surévalué qui détruit précisément le lien social et par la même recréer du lien. Messieurs, je vous propose de nous séparer. Ouais. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les amis. Au revoir. À la semaine prochaine. Bonsoir. À la semaine prochaine. Salut. Merci. Thank you.